Alors bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième chapitre d'Histoire de Gamer. Mon invité aujourd'hui, quelqu'un que vous connaissez probablement tous, vous le voyez sur Twitter, vous le voyez sur des deux blogs différents au moins sur Internet. Vous pouvez l'écouter dans son podcast et surtout vous pouvez le voir à la télévision. Et j'ai nommé Bruno Georget. Salut Bruno! Salut Luc! Fait que Bruno, comme je disais, t'es un gars très très occupé. Toi, t'as plusieurs projets qui roulent en même temps. Le monde te connaisse plus pour ton blog que t'as qui parle de gaming, mais t'as aussi un blog de musique. Oui, exactement. Boulevard Brutal, un blog sur le métal. C'est ça, toi, t'as tweeté cette semaine un concours de Metallica que vous aviez, des choses comme ça. Ben c'est ça, je commence à mélanger les deux parce que je m'aperçois qu'il y a du monde qui savent pas que ça existe, qui savent pas que je suis associé à ça. C'est ça parce que Boulevard Brutal, à vrai dire, la raison de ce blog-là, c'est que je connais un gars dans ma vie qui écoute du métal. J'ai juste ça. J'ai en commun avec un gars d'écouter du métal, puis des métalheads, il n'y en a pas partout. C'est pas évident à trouver. Surtout du monde qui a à peu près les mêmes goûts que toi, tu sais. Puis c'est une musique assez marginale qui n'est pas faite pour tout le monde, puis on comprend ça. Fait qu'on voulait faire un blog qui est vraiment à notre image, qui est à la façon qu'on a de se parler. Puis le blog, c'est ça, c'est drôle parce que on a commencé en avril 2010. Puis on est déjà rendu là à peu près à... On a entre 500 et 800 visites par jour, des fois 1000. Ça commence à être bon. Ça commence à être bon, puis on a des fans de partout dans le monde. On a même du monde en Australie qui nous lisent. Les bands viennent lire ce qu'on fait, trouvent ça vraiment trippant. Puis la vocation du site, c'est vraiment de promouvoir la scène locale, mais de faire connaître des bands aussi, de découvrir des bands. Fait que je fais un peu la même chose avec Boulevard Brutal que ce que je fais avec Rétro Nouveau. Tu sais, c'est vraiment... moi, ce qui me fait triper dans la vie, dans à peu près tout ce que je fais, c'est de... Une fois que je connais quelque chose, je tiens à aller trouver d'autres choses. Dès que quelque chose est connu, on dirait que ça m'intéresse comme moins. Okay. J'aime ça toujours découvrir plus. J'ai de la misère à être satisfait avec ce que j'ai, puis rester avec ça. Je veux tout le temps connaître plus. Fait que j'aime ça. Avec Boulevard Brutal, ça me permet de découvrir des bands puis de les faire découvrir au monde aussi. Fait que c'est ça. Fait que si vous connaissez pas ça, boulevardbrutal.com, un très bon site pour le métal, mais surtout pour découvrir le métal. Avez-vous pensé peut-être partir un podcast avec Boulevard Brutal? On a fait notre rétrospective de l'année. Cette année, on a fait un podcast pour ça. C'est pas un podcast qui se retrouve sur iTunes. C'était notre première expérience de podcast à moi puis Seb, qui est mon partenaire sur Boulevard Brutal. Okay. Puis, ça a été un gros podcast parce que il a fallu qu'on parle de tout ce qui s'était passé pendant l'année, nos choix de l'année. Ça a duré 3 heures. Ben c'est quand même... C'est long, 3 heures pour un podcast, mais comme si le contenu est bon, je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça. Là. On l'a segmenté en 3 parties parce qu'on trouvait que c'était un peu intense. Fait qu'on se disait, au pire aller, tu sais, Boulevard Brutal n'a pas de podcast. Fait que au pire aller, tu sais, vous taperez les 3 parties quand vous avez le temps, à un moment donné, tu sais. Puis on s'en fait pas trop avec ça. On voulait le faire en podcast parce qu'on se disait que ça serait une meilleure façon que de l'écrire. L'an passé, on l'avait écrit, on avait des invités d'un peu partout dans le monde. Ça avait été tellement long là, de faire la rédaction, tout ça, avec le graphisme puis tout, que cette année, on s'est dit, non, on fait un podcast, puis peut-être même que l'année prochaine, on va le faire en vidéo. Mais question d'avoir un podcast hebdomadaire, c'est un petit peu difficile de faire ça, autant à cause du temps, parce que moi et mon partenaire, on a le même âge, tous les deux, lui a un enfant, il y en a un autre qui s'en vient, moi j'en ai deux. Okay. Fait que, c'est sûr que ça devient plus difficile, puis parler de métal à toutes les semaines, ça deviendrait comme un peu redondant, parce que quand tu parles de musique, la plupart du temps, t'as très peu à dire, puis tu veux en faire écouter beaucoup, tu sais, on se verrait mal faire une critique d'album sur un podcast. Fait qu'on décide de continuer nos affaires en ligne. avec des collaborateurs puis tout ça. Puis on aime vraiment ça, on a vraiment du fun, puis on est content du retour du public. Ah, puis c'est sûr aussi, un podcast, c'est tu le sais avec Rétro Nouveau, un podcast, c'est long à préparer, c'est long à monter, c'est Oui. long à. Oui, t'as la session d'enregistrement qui dure peut-être 2 heures, 2 heures et demie, mais après ça, t'as le montage, puis après ça, faut que tu mettes ça en ligne, C'est puis ça. Puis t'as. même avant ça, tu sais, ça dépend du genre de podcast, mais comme à Rétro Nouveau, on a énormément de préparation avant de faire un podcast. Puis d'après moi, c'est ce qui fait la différence de certains podcasts. T'sais, tu vois, il y a certaines personnes, quand ils font un podcast, tu vois qu'ils sont préparés. T'sais, tu vois qu'ils ont vraiment fait leurs recherches à l'avance. Ils savent de quoi ils parlent. Ils ont une structure dans leur podcast qui fait que à toutes les semaines, les gens vont revenir parce qu'il y a une structure comme un show à TV, comme un show de radio normal. Puis nous, c'est ça qu'on aime. On aime le côté structuré, puis on aime être préparé, puis arriver là, puis faire comme OK, tout est seté, let's go, on y va. Mais c'est ça, tu as la préparation avant, tu as l'enregistrement. Des fois, pendant l'enregistrement, il peut se passer de quoi qu'il n'y a pas de bon sens, qui ne fonctionne pas. Fait Comme l'accouchement de ta que. blonde. Ouais, ça, c'était fort en tabarnouche, ça, là. Écoute, c'est très drôle quand même que dans la semaine, moi puis Dominique, on avait un moment où on enregistrait, puis c'est tombé au moment où on a enregistré que je me suis fait appeler par ma blonde parce qu'elle crevait ses os, tu sais. C'est vraiment ce genre d'affaire-là, ça a tellement pas de bon sens. Là, nous autres, on a trouvé ça tellement comique, puis en même temps, ben, on trouvait ça cute, puis ça s'est tellement fait vite, on n'a rien compris. Écoute, on a pesé stop, j'ai couru comme un malade après un taxi. T'sais, c'était surréel, mais c'est ça, t'sais, il y a des trucs imprévisibles qui se passent durant un podcast. Dernièrement, on s'est acheté des nouveaux micros. Puis c'est ça, puis c'est des micros qu'on connaît pas. T'sais, on n'est pas des gars de son, t'sais, à la base. Fait que on s'est acheté t'sais, le gros stock, là. On s'est acheté vraiment des méga bons micros. Mais comme de fait, t'sais, on a pas mal appris comment les plugger puis tout ça, comment enregistrer sur le tas. Fait que au moment d'enregistrer, à un moment donné, il y a eu un problème, puis ma voix, elle sonnait comme Mégatron, genre. C'était tout croche. À un moment donné, je parle d'un jeu, je dis ouais, fait que c'est ça, fait que ça commence à fucker de même, on comprenait plus rien. Mais c'est ça, des fois, il y a des affaires qui se passent comme ça, puis t'as enregistré, puis paf, je sais que les gars de Fun Jouer Jeu aussi, ils ont fait leur podcast récemment, puis il y a Joël qui a enregistré une critique de Zelda Link's Awakening, puis ils ont eu un problème, fait qu'ils ont perdu toute la critique, ils l'ont pas, fait qu'il a fallu qu'ils résument en 2 minutes après, parce que là, ça faisait 20 minutes qu'ils en parlaient, tu sais. Ah, puis tu veux pas recommencer une critique de 20 minutes? Écoute, quand ça fait 20 minutes, tu parles de quelque chose, là, tu sais, t'as fait le tour, puis normalement, quand t'as fait le tour d'une critique, après ça, t'as pas vraiment le goût d'en reparler avec les mêmes mots, fait que. Non, puis c'est difficile aussi parce que de toute façon, quand t'as fait, t'as comme l'instant du moment, là, je veux dire, tu t'en parles, puis t'embarques dans le fait que tu C'est te ça. rappelles quand tu jouais, puis là, tu sais, ça vient du fond. Comme il dirait, mais s'il faut que tu le recommences après ça, ben là, t'essayes de te rappeler de ce que t'as dit au lieu de comme être inspiré de le dire live, là. Fait Ouais. que ça vient Ah, comme t'es plus casser un peu. dedans, Ouais, c'est ça, ouais, ça vient casser un peu l'idée du que t'avais pour le faire. Qu'est-ce Exact. que vous êtes acheté comme micro? On s'est acheté des Samson G-Track. C'est des micros qui sont utilisés souvent pour la radio. C'est probablement ce qu'il y a de plus abordable. Ce qui est le plus abordable pour du monde qui font du podcast. La différence avec ce qu'on avait avant on avait un micro, c'était un Zoom. Puis ça, c'est un espèce de micro qui peut enregistrer. C'est un micro qui est utilisé souvent pour les musiciens ou pour le monde qui veut enregistrer des shows live. Puis c'est un petit micro qui est à la portée de tous, coûte 100 $. Il y a une version un petit peu plus dispendieuse, mais ça prend vraiment tout l'environnement. Fait que là, il y avait beaucoup de monde qui nous écoutait, qui se rendait compte que nous autres, on est vraiment dans un gros local, on est dans le local de travail de Dominique, puis Ça résonnait, là, ça sonnait vraiment. Des fois, ça sonnait creux. Ça sonnait comme si on était dans une caverne. Puis, avec le temps, tu sais, c'est sûr que tu dis, bah, mais c'est pas grave, le contenu est là, puis tout. Mais tu cherches tout le temps à améliorer ton offre. Fait que là, on s'est dit, ben, on va faire l'investissement, on va s'acheter vraiment des bons micros, puis on va s'y mettre. Fait que là, on a des super bons micros. Faut juste, comme en TV, pas se tenir trop loin du micro parce que. Quand tu oublies que tu as un micro devant la face puis que tu t'en vas super loin, ça apparaît en enregistrement. Fait que va falloir qu'on s'habitue. Ouais, puis c'est quelque chose qui est facile à faire quand tu parles avec un de tes chums parce que Ah, t'as toujours le tu parles, puis comme vous autres vraiment. sur Rétro Nouveau, tu sais, ça sonne comme deux chums qui se parlent, puis c'est ça qui est intéressant, là, ça a pas l'air sec ou ça a pas l'air juste faut qu'on se parle parce qu'on n'a pas le choix. Mais t'as tout le temps comme le don de t'effoirer dans ta causeuse, C'est ça. vouloir être évaché puis jaser en chum, mais tu peux pas faire ça quand t'enregistres, Ah c'est non, plus tu peux pas faire compliqué. ça. Non, c'est ça, nous autres, tu sais, on le fait, on prend une bière en même temps, tu sais, puis c'est vraiment fait dans un esprit de camaraderie. Parce que je te dirais que Dominique, c'est ça, c'est vraiment, là, ce gars-là, c'est comme la... C'est... Ça sonne un peu quétaine, à la limite, mais c'est ma moitié de gaming, littéralement. Ce gars-là, il remplit comme tout le côté que moi... Je remplis pas, je touche pas à ça, mais c'est tous des trucs qui me font triper. Fait qu'on se rejoint super gros côté gaming. C'est vraiment un méchant bon gars qui s'exprime bien, qui adore. Tu sais, des passionnés comme ça, t'en rencontres pas souvent dans ta vie. Puis C'est lui, là, vrai. il a vraiment là, il a la piqûre, puis c'est super intéressant de faire de quoi avec. Parce que c'est le fun, parce que quand on fait Rétro Nouveau, tu sais. On se parle, puis ce qui est le fun, c'est qu'on est tous les deux très intéressés à ce que l'autre a à dire, parce que chaque personne, on a un peu nos personnalités, mais on a aussi nos spécialités. T'sais. Moi, c'est vraiment. C'est pour ça qu'on a appelé ça Rétro Nouveau, parce que lui, le rétro, écoute, là, il tient dans ses mains. Ça C'est paraît, là. Il connaît vraiment le ça. gars, il connaît son stock. Là. Ça n'a aucun sens, même que des fois, c'est un petit peu. J'ai dit ça à un moment donné, j'ai dit, tu connais tellement ça, c'est quasiment creepy, man. Parce que, tu sais, il connaît tellement ça, des fois, il me sort. L'autre fois, quand il m'a sorti l'historique de la famille Belmont dans Castlevania, j'étais comme, wow, il y a quelqu'un qui connaît ça. Tu sais, moi, c'est tellement pas le genre d'affaires que je vais aller chercher, mais lui, il connaît ça, là, puis il est méticuleux, puis il connaît chaque détail, fait que. Moi, ça m'impressionne, puis ça m'épate tout le temps. Fait que ce qui est le fun aussi de Rétro Nouveau, c'est que j'ai tout le temps hâte de voir ce que Dominique va avoir à dire. Puis j'aime aussi son point de vue parce qu'on fait des discussions, puis on n'a pas souvent le même point de vue. Tu sais, ça arrive qu'on se rejoint sur certaines affaires, mais comme lui, il a une approche plus rétro, puis moi, j'ai une approche plus nouvelle, plus next-gen. Quand on se parle, c'est ça qui fait que ça devient intéressant parce que. On n'est pas tout le temps comme « Ah oui, totalement d'accord avec toi. » Des fois, ça arrive que non, on n'est pas d'accord pantoute, puis j'aime ça, tu sais. Bon, ouais, parce que ça rouvre une deuxième discussion. Ben oui. Parce que c'est sûr, quand tu dis, ah oui, je suis complètement d'accord avec toi, t'as pas vraiment d'argument. La discussion est pas mal Ben, ça terminée, là. termine là, ça fait comme « Bon, ben écoute, j'aurais pu faire le podcast seul. C'est ça. » Oui. Fait que ça, c'est pour Rétro Nouveau. On parlait avant de commencer à enregistrer que y a des gens qui commençaient à te demander, à te poser des questions. Coudon, tu travailles vraiment à Musique Plus, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Moi, je trouve que tu as une job super intéressante. Tu as tweeté, c'est-tu la semaine passée, deux choses que tu as préparées pour Musique Plus que tu avais dit qui étaient roche. Ouais, J'ai tout c'était vraiment. de suite été voir ça, puis je me suis dit, tu sais, normalement, quand c'est rush, tu vois que c'est rush, tu sais, c'est pas peaufiné, ça fait la même. J'ai Ouais. regardé les deux choses que tu m'as envoyées, puis c'était comme, j'ai trouvé ça incroyable, là. Ben Je me merci. disais, ce gars-là, il est tellement plein de talent. Fait que si tu veux nous parler un peu de ton cheminement pour te rendre jusqu'à Musique Plus, je veux pas rentrer trop dans le personnel, mais c'est quoi les études que tu as faites? Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, des plus jeunes, qui diraient, hey, moi, ce que Bruno fait, là, je trouve ça écœurant, j'aimerais ça, faire pareil que lui, comme lui, plus tard quand je vais être pour le monde du travail. Fait que, comment Ouais. est-ce que tu t'es rendu là, toi? Moi, de la façon que je me suis rendu là, écoute, ça va surprendre peut-être du monde, mais j'ai jamais aimé l'école. Littéralement, j'ai jamais aimé ça. Puis J'étais vraiment un gars, j'étais vraiment un gars qui tripait sur les arts. J'ai tripé sur les arts toute ma vie, puis ça a tout le temps été ma place. Fait que j'excellais en arts plastiques, j'excellais dans les langues. J'étais super bon en langue, j'étais super bon en arts plastiques, mais tout le reste, genre les mathématiques, ça m'intéressait pas, les sciences, ça m'intéressait pas, tout ce qui était ben justement sciences, géographie, toutes ces affaires-là, que dalle. En anglais, en français, puis en arts plastiques, je suis un premier de classe, tout le temps. Fait que t'es le genre de gars que dans son cahier de maths, son cahier de français, il y avait des dessins dedans. Ah, souvent. C'est arrivé, puis c'était tout le temps mes profs, tu sais. Puis mes profs, j'avoue qu'ils n'aimaient pas trop ça, là. Je les dessinais tout le temps. C'est comme, hey, qu'est-ce que c'est ça? Fait que, non, c'est ça. Puis, tu sais, veux pas, quand j'ai, tu sais, dernièrement, j'ai vu certains dessins que je faisais quand j'étais au secondaire. Puis je me disais, Colin, mon gars, la réponse était directe devant tes yeux, tu sais. C'est dans un sens. Moi, je dirais, tu sais, il y a souvent du monde qui disent, ah, je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas qu'est-ce que je vais devenir. Sérieusement, check ce que tu fais quand t'as absolument rien à faire ou que tu t'emmerdes dans un cours, puis tu vas le trouver probablement ce que tu veux faire. Parce que il y a souvent quelque chose qui nous intéresse plus que d'autres, déjà au secondaire. Moi, ça a été le cas, puis je m'en suis rendu compte, puis à un certain moment donné, j'ai fait. Bon, ben là, je veux faire de quoi qui a rapport aux arts. OK, après ça s'en allait. C'était vraiment large. Puis, j'aimais pas l'école. Je voulais pas aller à l'école longtemps. J'avais des chums qui s'en allaient au cégep. Ils s'en allaient au cégep. Puis, tout ce qui avait l'air de se passer au cégep, c'était un gros party, sécher des cours sans arrêt. Puis, tu sais, faire des substances illicites. Fait que c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Fait que moi, c'est drôle parce que à l'école, en secondaire 5, j'ai fait un secondaire 6. C'était pas à cause que j'étais pas bon à l'école. Ben, tu sais, j'étais pas le meilleur à l'école, évidemment, là, parce que comme j'ai dit tantôt, il y a trois matières qui m'intéressaient. Mais. Puis les matières qui t'intéressaient pas, c'est des matières importantes pour passer Exact. plus loin, là. C'est ça. Mais j'ai passé mon secondaire 5. J'ai eu mon DES. Sauf qu'au moment d'avoir mon DES, j'étais pas prêt encore à m'en aller. Puis ce que je voulais faire, je voulais prendre une année off, puis décider exactement, chercher ce que je voulais exactement, parce que les arts, c'est tellement large. Fait que là, je me suis dit, bon, OK, je vais prendre une année. Ma mère était pas d'accord, pas en tout. Fait que finalement, j'ai fait ce qu'on appelle un secondaire 6. Ça existait dans ce temps-là. Je ne sais pas si ça existait encore. Ça existe encore maintenant. Puis c'était pour, dans le fond, c'était pour m'améliorer dans des trucs dans lesquels j'étais pas bon. Fait comme de fait, je prenais des maths avancées, plein de trucs comme ça pour m'améliorer. Puis rendu au troisième mois, il y a eu plein d'universités puis d'écoles qui sont venues à notre école pour qu'on puisse faire un choix de carrière ou s'intéresser à quelque chose. Puis j'ai vu qu'il y avait une école professionnelle qui était venue. Puis c'était la. J'ai vu leur kiosque, je suis allé les voir, puis ça fitait parfaitement avec ce que je voulais faire. Dans ce temps-là, c'était préparation à l'impression que ça s'appelait. Puis c'était à Compétences 2000 à Laval. C'était un diplôme d'études professionnelles. Puis ce qu'on m'avait expliqué, c'était, garde, t'as besoin de ton secondaire 5. Puis quand tu vas venir apprendre. À l'école professionnelle, nous autres, ce qu'on t'apprend, c'est ton métier. Le reste, tu l'apprendras pas. Puis ça me parlait au bout parce que je me disais, Colin, moi, c'est ça qui m'intéresse dans la vie, là. Je veux pas apprendre, je veux pas m'approfondir dans mon français. Je veux pas. J'ai aucune idée de ce qui me tente à part de ça. J'ai pas le goût de prendre des cours de philo. Ça m'intéresse pas. Fait que je suis allé là-dedans parce que je trouvais que c'était intéressant. Comme de fait, j'ai passé 2 ans là-bas, puis ça a été 2 années écœurantes où j'ai juste nourri mon cerveau de plein de techniques puis de façons de faire de l'infographie. J'ai commencé avec Photoshop 2, fait que ça. Ça Écoute, date. ça date, là, c'est vraiment, ça fait longtemps. Ben, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. Puis c'est ça, puis bref. Moi, j'ai été à l'école professionnelle, puis je te dirais, c'est la meilleure affaire qui est arrivée dans ma vie, côté professionnel, parce que en sortant de l'école, c'était de même pour pas mal tout le monde. Tu sais, ceux-là qui avaient vraiment du talent, puis qui poussaient vraiment leur art, eux autres, là, ils sont sortis de l'école, ils se sont trouvés des jobs. Là, c'est ça, on était 22 dans ma classe, puis on était 3 qui font encore ça. Fait que ça prouve justement, tu sais, des fois, tu y vas, tu veux être quelque chose, mais c'est pas nécessairement là-dedans que t'es bon. Surtout que les arts, c'est souvent inné. La plupart du temps, tu sais, je veux dire, tu regardes, si t'as des enfants, tu regardes tes enfants, ils dessinent, puis là, ils sont comme, ah, OK, ouais, lui, il est vraiment bon en dessin, puis ben, il y a quelque chose, il se passe de quoi, tu sais, il y a un côté artistique plus développé. Quelqu'un qui essaye d'apprendre les arts, qui essaye d'apprendre d'être un artiste, la plupart du temps, c'est plate, mais ça fonctionne pas, tu sais. Ouais, il te manque quelque chose. C'est ça, il manque quelque chose, tu sais, puis le, tu sais, c'est quelque chose qui se développe, mais il faut qu'à la base, t'aies vraiment un intérêt, là. Fait que c'est ça. Fait que moi, bref, mon intérêt était immense. Fait que directement en sortant de l'école, je me suis pogné un job à Montréal en publicité. Puis j'avais rien fait, là. J'avais absolument rien fait. J'avais pas eu de job. Puis l'employeur, c'était une petite place sur le Mont-Royal. Fait que je me suis pogné un appart sur le plateau. Dans ce temps-là, ça coûtait pas mal moins cher que maintenant. C'était moins hip. Puis c'est ça, je me suis pogné un appart, je me suis pogné une job. Puis écoute, j'ai fait des affaires pendant ma première année. J'ai fait des trucs pour les Alouettes de Montréal, puis pour Roctan. J'ai même fait des annonces radio, des trucs de même. Fait que, tu sais, je baigne là-dedans depuis 15 ans. Je suis passé en publicité, en promo. J'ai fait plein d'affaires. J'ai même fait du web. À un moment donné, j'ai trouvé qu'il me manquait des affaires. Fait que j'ai décidé d'aller à l'Académie du design. Puis ça, j'étais un peu déçu de ce qui s'est passé à l'Académie du design parce que j'ai appris beaucoup de choses, mais je trouvais que je trouvais qu'à ce moment-là, justement, il y avait certains de mes profs qui étaient dedans, d'autres profs qui étaient pas vraiment dedans. Puis il y avait comme une... C'était pas aussi fort qu'au professionnel, à mon avis, surtout pour l'argent que je payais, parce que ça coûtait très cher d'étudier là-bas. OK. Fait que c'est ça, mais je suis sorti de là avec des très bonnes connaissances en web puis en vidéo. Puis à ce moment-là, c'était le boom du web. Puis je me suis lancé là-dedans. J'étais allé faire du web pour une grosse compagnie de .com. J'ai fait ça. La compagnie est tombée en faillite comme plusieurs compagnies à ce moment-là. Fait que c'est ça, je suis passé à plusieurs endroits par la suite, j'ai même été pigiste. Puis à un moment donné, ben j'ai eu une ouverture à Musique Plus grâce à un chum. Puis j'ai décidé tout simplement d'embarquer là à fond à Musique Plus parce que c'était vraiment une place qui me semblait tripante, puis c'était quelque chose qui me C'était quelque chose qui me faisait peur un peu, ben franchement, parce que Musique Plus, quand on regarde ça de l'extérieur, c'est quand même imposant. T'sais, ça fait longtemps que c'est là, puis c'est quelque chose que, dépendant de notre âge, puis je pense même tous les âges, ben franchement, parce que d'après moi, il y a quand même pas mal de monde qui aime Musique Plus, sans le dire aussi. Ils se le cachent. Exact. Fait que, tu sais, vu de l'extérieur, c'était un peu imposant. Puis c'était de la TV. J'avais jamais fait de TV de ma vie. J'avais jamais travaillé en TV. Puis le graphisme en TV, c'est d'autre chose. Il faut que tu réapprennes tes affaires. Fait que je me suis dit, là, marche, je me lance. T'sais. Puis je me suis lancé. Puis écoute, j'ai trippé là, dès la première semaine. Puis c'était... J'ai été habitué d'avoir des jobs toute ma vie où t'es à ton bureau, t'as tes écouteurs sur les oreilles, puis tu sais, c'est comme regarde droit, puis punch, puis that's it, tu sais. À Musique Plus, c'est d'autres choses. Musique Plus, c'est vraiment... Moi, je suis rentré à Musique Plus, là, c'était le bordel complet. OK. Puis ça me faisait triper. Parce que, dans le fond, t'embarquais là, puis le monde, ça bouge sans arrêt. Il y a des tournages, il y a des artistes, tu sais. Tu t'en vas aux toilettes à un moment donné, puis tu passes à côté de Robert Charlebois, tu sais, c'est... C'est un genre d'ambiance vraiment bizarre, mais tu finis par baigner là-dedans, puis c'était vraiment trippant, tu sais, c'était vraiment un vent de fraîcheur là dans ma vie. J'étais super content, puis les trucs qu'on fait là-bas, ce qui est le fun, c'est que c'est mes projets changent à tous les jours. Je fais jamais la même affaire deux fois, puis c'est vraiment quelque chose de difficile à trouver. Sur le marché du travail, parce que sur le marché du travail, la plupart du temps, ben tes clients, c'est tes clients, puis tu sais, si tu travailles sur du cotonnel, puis que c'est ça ton client, ben tu vas essayer de garder ton client, puis tu vas essayer de réinventer ta pub sans arrêt, tu sais. Moi, je vais faire des affaires sur Jackass, sur Bam, sur. Je vais faire des affaires sur Paris Hilton. Le lendemain, on va me dire, bon, Michael Jackson est mort, fais-moi un panneau pour Michael Jackson. C'est trippant, ça change tout le temps, puis c'est tout le temps avec c'est tout le temps avec des vedettes, fait que c'est vraiment le fun. Puis il y a aussi le côté, c'est ça, le côté tout tournage, puis le côté les vedettes qui finissent par passer à Musique Plus. Ce qui est plate, c'est qu'avec le temps, on s'habitue, fait qu'on finit qu'on n'est plus on n'est plus impressionné quand on commence. Mais t'as plus le facteur wow comme la première journée que t'es là, puis tu vois quelqu'un de connu rentrer. C'est ça, non, c'est sûr. Ça m'arrive quelquefois parce que, tu sais, il y a certaines personnes, je veux dire, il y a des personnages, là, check en. À un moment donné, je passais à côté de Lemmy Kilmister de Motorhead, puis okay. J'étais complètement barré, j'étais gêné au bout, je savais plus quoi faire, tu sais. Fait que, tu sais, ça dépend de tes idoles aussi. Je passais à côté de Hulk Hogan aussi, j'écoute, j'ai même posé serré à main, j'étais juste comme « Fuck, c'est Hulk Hogan! » Tu sais, ça, il y a des... surréel. Ah ouais, c'est surréel, tu sais. Les artistes québécois, c'est autre chose, tu sais. C'est des gens qu'on voit souvent pis tout. Mais quand t'as une vedette d'Hollywood ou t'as un gars d'un band ou une fille d'un band que t'adores, tu sais. J'ai vu la chanteuse de Sounds l'autre fois qui jouait à Sainte-Catherine juste avant qu'on fasse Monsieur Net, tu sais. C'est cool, tu sais, parce que c'est des gens que tu peux pas voir d'aussi près, même quand tu vas voir leur show en salle, tu sais. Fait que, non, ça, c'est vraiment un côté trippant de la job. Puis, pour ce qui est de ma job aussi, moi, exactement, parce qu'encore là, on n'a pas vraiment parlé, mais c'est ça, là-bas, je suis graphiste senior. Ça fait 6 ans que je suis là, bientôt 7. Puis c'est ça. Je fais aussi pas mal de direction artistique. La musique plus dans mon département, c'est bien spécial. Même pas vraiment de directeur artistique. Puis c'est souvent moi qui prends le lead. Puis des fois, ben c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui vont m'aider là-dedans. Puis des idées, garde, le département en a tellement, là. Puis on est quand même un petit département. Tu sais, il y a moi qui fais du graphisme, puis un autre gars. On a déjà été 4 à Musique Plus, okay. 4 graphistes. Puis moi, j'ai vu la descente de ça, parce qu'à un moment donné, Musique Plus a eu des problèmes financiers. Parce que justement, à un moment donné, Musique Plus, là, ça marchait pas pantoute, pantoute, pantoute. Là, on a fait une remontée qui est vraiment très encourageante. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est à cause des shows de télé-réalité. Qui sont très populaires. Mais c'est ça, moi là-bas, je suis graphiste, fait que ma job, c'est littéralement, j'arrive à mon bureau, puis on a des projets, des fois c'est une ouverture de show, fait que là, je vais faire le graphisme, puis je vais travailler avec un réalisateur, puis ce réalisateur-là, ben, c'est un réalisateur à l'habillage, fait que c'est lui qui anime tout, c'est lui qui fait le 3D, des trucs comme ça. Fait qu'on fait des projets ensemble, puis souvent on est des équipes, de 2 ou 3. Je vais aussi participer aux promos, les autopromos qui passent en ondes. Ça, c'est les pubs de nos shows qui passent durant les pauses. OK. Puis c'est ça, des fois c'est ça, c'est des trucs qui sont vraiment spécifiques, puis d'autres fois c'est des trucs qui sont un petit peu plus ouverts, comme... Si vous regardez la pub de nos pubs de c'est quoi? Nos pubs de palmarès qui sont sur fond rouge, puis une espèce d'animation tout le temps quand on a un artiste invité, qu'on a Headley ou qu'on a Cody Simpson ou Don Witt Webster, ben on a une animation à faire. Puis c'est des trucs que je vais faire. Fait que tu sais, c'est. Ma job est hyper variée. Je fais du print, je fais de la télé. Je fais plus de web, par exemple. Le web, on a un département web qui fait tout ça. Mais c'est ça, au final, j'ai commencé, j'ai appris sur le tas, puis à mon avis, il n'y a pas meilleure façon, là, vraiment. Là, je trouve que c'est la meilleure façon, puis c'est de se lancer sur le marché du travail le plus tôt possible, parce qu'il n'y a aucune meilleure école que d'être sur le marché du travail. Ils peuvent apprendre n'importe quoi à l'école, puis j'ai des amis qui sont allés à l'université, puis qui ont eu une éducation de ce monde-là qui est complètement différente que l'éducation que j'ai reçue, tu sais, parce que à l'université, des fois, tu fais des trucs qui sont hyper design, puis tu sais, vraiment fin, puis tout ça, mais c'est pas ça qui va te faire gagner ta vie la plupart du temps. La plupart du temps, c'est des trucs big and bold, c'est de la promo. T'sais, on est au Québec là, quand même. Fait, on n'est pas en Suède. Fait que le design ici puis ailleurs, c'est complètement différent. Fait que moi, je dirais au monde qui veut se lancer là-dedans, si vous êtes déjà en train d'étudier, là, t'sais, poussez votre art à fond, faites-en le soir, faites-en les fins de semaine, photographiez des textures, essayez de découvrir des artistes avec des livres, inspirez-vous de ce qui fait un peu partout. Une très bonne inspiration pour les graphistes ou pour les gens qui cherchent l'inspiration, c'est Found, c'est, je pense, c'est 4F ou 5F, OUND.com. Puis ça c'est justement c'est une bonne façon de démarrer pour savoir si qu'est-ce que tu vas faire dans ton projet, mais c'est ça, moi je dirais soyez inspirés, foncez, lâchez jamais. Puis si vous apercevez que ça fonctionne pas pantoute, peut-être que justement vous avez besoin de l'avis d'un vrai chum, d'une vraie personne ou de quelqu'un que vous connaissez pas pantoute, qui va pouvoir vous dire garde, t'es pas faite pour ça ou t'es faite pour ça, tu sais. Parce que des fois aussi, c'est ça qui est plate. Il y a des gens, des fois, qui nous envoient des CV puis des portfolios. Puis je regarde ça, puis je fais comme c'est plate, tu sais, ça fait peut-être 5 ans qu'ils travaillent là-dessus, mais ça marche pas. C'est pas là-dedans. C'est pas nécessairement là-dedans qui est le meilleur, tu sais. C'est comme moi, de toute façon, regarde, mais fais-moi faire la job de. C'est quoi son nom, donc? Marcotte, le cuisinier à TV au Canal Vie, tu sais. OK. On va faire sa job, là, puis tu vas manger des hot dogs à la fin de la soirée. Je suis minable en cuisine. Fait que, tu sais, on peut pas être bon en tout, puis Non. faut l'accepter aussi. Puis en graphiste, c'est un petit peu plus dur parce que ce qu'on fait, c'est visuel. Fait que tout le monde peut juger de ton travail, là. Fait que c'est ça. Faut avoir l'avis d'une personne qui va te dire la vérité assez rapidement pour savoir si tu dois continuer là-dedans ou si tu dois tout simplement c'est ça, si tu dois exceller dans d'autres choses. T'as trouvé quelque chose d'autre. Exact. Parce que tu dois le voir dans un portfolio, si la personne a une passion pour faire ce qu'il fait ou pas, c'est, j'imagine, dans le dessin ou dans ce qu'il fait, ça doit paraître. Ah, ça paraît énormément. Écoute, au premier coup d'œil, là, on le sait, la plupart du temps, on passe des portfolios, là, on les regarde un par un, là, c'est pas, tiens, on pitch pas ça dans les vidanges, là, tu sais, c'est moi qui regarde les portfolios pas mal tout le temps, puis je regarde, puis je suis comme, non, ça, tu sais, c'est pas pour nous autres, c'est pas notre style. Des fois, c'est littéralement juste pas notre style non plus, là. Nous autres, c'est ça, c'est à Musique Plus qu'il faut, si jamais quelqu'un veut essayer d'avoir un emploi à Musique Plus, faut être versatile. Faut que tu sois capable de faire quelque chose pour une petite fille de 4 ans et demi, faut que tu sois capable de faire quelque chose pour un gros rocker qui a 35 ans puis qui tripe sur le death. Et fait que si t'es pas capable de faire ces deux affaires-là, ça peut pas fonctionner. Si tes trucs sont trop fins, trop tout petits, des petits détails, puis des minuscules lettres ou des lettres qu'on peut pas comprendre, c'est quoi qui est écrit, ça marche pas non plus. Fait que, tu sais, il y a ça, puis des fois, c'est juste pas beau. Littéralement, des fois, c'est n'importe qui pour en juger, là, pour obliger que ça soit ta job, puis tu regardes le portfolio, puis tu fais comme, ouf, OK, ouais, non, c'est pas bon, ça marche pas. Je prendrais pas ça comme publicité ou je prendrais pas ça comme visuel dans une station de télévision parce que Non, c'est ça. N'importe où, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est très rapide, là. On le regarde, puis c'est comme, oups, non, OK. Mais c'est ça, tu sais, c'est un métier qui il y a énormément de monde qui font ce métier-là, ça n'a aucun sens. Mais c'est Tu pas tout le sais, monde qui est bon à le faire, ben j'imagine. non, c'est ça, c'est sûr. Mais il y a tellement de monde qui deviennent graphistes, là, c'est insensé. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Fait que c'est sûr et certain qu'à un moment donné, là, c'est comme dans n'importe quel métier, comme même, on a reçu des portfolios du monde qui font de la 3D. Il y en a qui font de la 3D, puis c'est pas joli tout de suite non plus, tu sais. Non. Ouais. Fait que. Mais encore là, ça dépend un peu des besoins, comme tu parlais. T'sais, le gars qui se fait engager dans une agence de graphisme puis que son client, c'est Cotonnel, Il n'y a pas besoin d'être déjanté à l'os puis de penser à la petite fille de 4 ans puis au rocker de 35 ans qui écoute du death metal. Exact. C'est cotonnel, c'est des petits minous, puis c'est des rouleaux de papier de toilette, puis c'est blanc et bleu et rose, puis c'est tout, là. Non, non, c'est sûr, là. Fait qu'il peut faire carrière là-dedans parce qu'il est capable de gérer ce genre de qualité visuelle-là. Tandis que quand tu tombes dans quelque chose où tu as un public varié, puis qu'il faut que tu sois capable d'interpeller ce monde-là. Ouais. C'est comme tu dois travailler sur l'intro de j'imagine, Monsieur Net, mais tu dois aussi faire l'intro de comme Palmarès, puis l'intro de peut-être les Kardashian ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas le même public qui écoute nécessairement ces trois émissions-là. Vraiment pas. Puis aussi, faut pas oublier que je fais Musimax aussi. Ouais. Je m'occupe de Musique Plus et de Musimax. Fait que, c'est deux publics complètement différents, là. Fait que, à Musimax, tu sais, faut que j'intéresse la femme de. Notre public, je pense, c'est. Musimax, c'est entre 30. C'est 30-42, je pense, à peu près, le public cible. Fait que, tu sais, faut vraiment, là, je change ma façon de faire, là, complètement, là. Tout est dans la finesse, ça attire la femme. Fait que, tu sais, quand je fais des trucs à Musique Plus, c'est plus droit, des fois, c'est plus cartoony. Fait que, tu sais, c'est... Faut que tu t'adaptes d'une minute à l'autre aussi. Tu sais, c'est pas le genre d'affaire que, OK, on travaille sur Musique Plus toute la semaine prochaine, on fait du Musimax. Non, des fois, c'est à 10h, je fais du Musique Plus, puis whoop, à 10h30, je fais du Musimax. Tu travailles là-dessus en même temps. Là, fait que c'est ça. Tu sois capable de... Comme tu disais, faut que tu sois versatile. Tu sois capable de te revirer sur une scène, puis là, je fais une biographie sur Joe Dassin, faut que je fasse l'intro pour ça, puis l'autre bord, je vais faire l'intro pour Motorhead qui revient à Montréal, puis que le look, c'est pas, tu peux pas les interchanger, mettons. Non. Ah non, ça pognera pas. Puis si quelqu'un veut s'en aller là-dedans, c'est quoi les logiciels que tu utilises? C'est quelque chose de propriétaire ou c'est du quelque chose que le monde peut apprendre de leur côté? T'sais? Non, certainement, le monde peut apprendre ça. Certains, moi, mes deux outils principaux, c'est Photoshop et Illustrator. OK. Ça, c'est la base. Quand tu connais ça, après ça, là, sky's the limit. Tu peux vraiment faire ce que tu veux avec ces deux logiciels-là. Ça dépend. Ça, c'est vraiment pour du graphisme. C'est sûr qu'après ça... Si tu fais de la 3D, c'est autre chose. Moi, je fais pas de 3D, mais je sais que ce qui commence à être le plus hot sur le marché, puis le plus comment je pourrais dire ça, ce qui est le plus accessible, ça serait Cinema 4D. Okay. Ça, c'est ça en 3D. Il y a beaucoup de monde qui utilise ça. Mais si c'est en graphisme, vraiment, Illustrator, Photoshop, là, tu peux faire n'importe quoi, puis... Quand tu apprends ces deux logiciels-là, après ça, c'est sûr, tu peux faire de la mise en page avec InDesign. Moi, je l'ai appris avec Quark Express, qui est très vieux. Mais la mise en page, j'en fais plus à Musique Plus. C'est très, très, très, très rare. Fait que c'est plus ces deux logiciels-là, je te dirais. Photoshop, Illustrator, ça fait des années que ça roule, ces logiciels-là. Là. Fait que, ça a fait des preuves. C'est quelque chose que vous pouvez vous ramasser, des livres peut-être un petit peu plus vieux si vous n'avez pas les budgets pour vous acheter les livres récents, puis commencer avec des plus vieilles versions. Puis après ça, si vous voyez que vous aimez ça puis vous maîtrisez, ben allez-vous-en avec les nouveaux logiciels. Mais c'est vrai que ça fait des années que j'entends parler que les graphistes, c'est Illustrator puis Photoshop, puis c'est à peu près tous les outils qui ont besoin. Là. Puis il y a une bonne façon d'apprendre, là, Classroom in a Book. Oui. C'est des livres qui sont approuvés par Adobe, qui est la compagnie qui fait Illustrator Photoshop. Puis Classroom in a Book, là, c'est... T'as un CD, tu rentres dans ta machine, il te fait faire des exercices. Puis à partir de ces exercices-là, sérieusement, là, tu peux tout apprendre là, facilement, tu sais. Moi, c'était drôle parce que Classroom in a Book, quand je suis allé à l'Académie du design... Il y avait des cours où j'allais, je dirais pas lesquels, avec quel prof, parce que c'est pas le but, mais des fois, on avait ça. On avait un classroom in a book, fait que c'est comme, ah, prenez le CD, le livre, paf, c'est ça le cours, tu sais, fait que pas vraiment d'effort, là. T'es là pour quoi, toi, dans ce cas-là? C'est ça, tu sais, il est là pour assister, répondre à certaines questions, mais tu sais, des fois, c'était ça, mais ça prouve aussi à quel point... C'est des méchants bons livres, puis que t'as pas... Justement, il est là, ton prof, là. C'est le livre, puis si tu suis ce qu'il y a dans le livre, puis que tu t'expérimentes après ça, regarde, capable de faire n'importe quoi, là. Puis aussi, on est rendu à une étape de vie, surtout en 3D, où le marché du travail a vraiment changé. Maintenant, il y a du monde qui réussissent à travailler pour James Cameron à cause qu'ils ont fait un petit viral en 3D sur Internet, puis sont même pas allés à l'école encore. Non, oh, oui, c'est avec l'Internet a ouvert beaucoup de portes à des gens qui ont du talent, mais qui n'ont pas nécessairement étudié C'est là-dedans. ça. Puis des fois même, je te dirais en graphisme, là, tu sais, moi, si j'étais graphiste présentement, puis que j'étais encore à l'école, je pense que je me ferais un portfolio, même si je suis pas sur le marché du travail, même si je suis encore à l'école, puis je pitcherais ça dans une compagnie, même si j'ai même pas fini mes études encore. Ben, Parce ça, ou que. tu te pars un canal YouTube ou quelque chose comme Ouais. ça avec des animations que tu fais, là. Je veux dire, sky's the limit, là. Les Non, portes vraiment. s'ouvrent tout seul quasiment. Parce que t'es jugé pour ton talent, t'es pas nécessairement jugé pour ton pour ce que t'as fait, pour ton école, puis t'sais, si t'es jugé pour ton talent, garde, si t'en as déjà du talent, vas-y, peut-être que tu vas sauver de l'argent, puis tu iras pas payer une fortune en études, t'sais. Fait que moi je pense qu'il y a pas de je pense qu'il y a pas de chemin précis puis de marche à suivre dans le domaine des arts, parce qu'il y a Il y a tellement différents types de médiums, puis il y a tellement différentes façons d'y arriver. Moi, ça a été l'école professionnelle. C'est sûr que je vais dire à quelqu'un, va à l'école professionnelle parce que t'es écœurant, ça te donne la base, puis t'as la suite. Mais j'ai même l'impression que quelqu'un qui est à l'école, là, s'il veut faire ça, il a peut-être même pas besoin après ça, là, d'aller au cégep. Fait que c'est ça. Sky's the limit. Ça dépend de Sky's the votre limit. talent. Ça dépend de votre talent puis des portes que vous êtes capable de vous ouvrir vous autres-même, j'imagine. Exact. Ben parfait. Merci Bruno. Ça a été bien, c'est bien intéressant parce que comme je disais, moi je tripais pas mal sur de voir ce que tu faisais. Puis il y a des gens comme tu disais qui commencent à dire ah toi tu travailles à Musique Plus parce que souvent t'es à Monsieur Net, on voit ton nom dans le générique comme critique. Mais Ouais. après ça, on voit ton nom plus loin parce que t'as créer des intros ou des choses comme Ouais, ça. faites l'ouverture le Monsieur Net aussi, puis tout le graphisme durant le show, fait que. Fait que tu sais, le monde se demande comment ça se fait que même s'il est pas là, je vois son nom au générique, Ouais. ben c'est parce que Bruno travaille à Musique Plus puis il travaille sur le bonbon aussi alentour de Ouais. l'émission qui est à l'intérieur. Ah, je suis tout le temps là. Fait qu'on va parler de gaming, ce qui est pas Ouais. mal le sujet du Ben podcast ouais, en ben ouais. partant, mais t'as une job tellement intéressante que je voulais pas nécessairement passer à côté. Puis comme je te disais avant d'enregistrer, c'est que s'il y a des jeunes qui cherchent des jobs, puis qu'eux autres, ils aiment ça, gribouiller, dessiner, puis que c'est leur passion quand ils sont à la maison, ils ont toujours un crayon dans les mains, puis ils Ben dessinent, je veux dire, c'est des portes qui s'ouvrent à vous autres. C'est pas parce que quelqu'un vous dit, ah, il n'y a pas d'avenir là-dedans, que c'est vrai. Il y a de l'avenir si vous avez du talent, c'est sûr. Si oui. vous êtes comme moi, puis le plus beau dessin que vous pouvez faire, c'est un bonhomme allumette, trouvez-vous d'autres choses. Ben oui. Bon, on va passer. On parlait que tu as Rétro Nouveau. Oui. Qu'est-ce qui t'a décidé de partir un podcast? C'est-tu le fait de côtoyer Denis? Puis de voir que lui en faisait un, des choses comme ça, ou c'est parce que tu voulais véhiculer quelque chose autre que ce que tu véhiculais quand tu faisais juste une critique de comme 3 minutes à Monsieur Net? C'est un peu un mix des deux, je te dirais. T'as comme pas mal visé dans le mille. Ah, C'est. pris un bon guess. Ouais, t'as pris un très bon guess. Ben écoute, le fait de côtoyer Denis depuis toutes ces années à Musique Plus, c'est sûr que moi, ça m'a inspiré en tant que gamer. Puis Radio Talbot, c'est le fun parce que c'est un. Tu sais, c'est vrai, c'est une brique dans le Québec. Tu sais, c'est là, puis ça reste, puis c'est solide ce qu'ils font. Fait que. Tu sais, j'ai commencé à connaître le podcasting au Québec avec Radio Talbot. Puis aux États-Unis, moi, j'étais un énorme fan de Kevin Smith, le réalisateur. Puis il y a plusieurs podcasts, ce gars-là, puis il a fini par gagner sa vie avec des podcasts. Puis je trouvais intéressant la formule du podcast parce que moi, je suis un gars qui voyage en auto. Pour aller à job. Fait que je pense à peu près, tu sais, je passe en moyenne, je te dirais, là, entre 1 h 15 puis 1 h 45 en auto à tous les jours. Fait que c'est sûr que, veux pas, t'en passes du temps en auto, puis t'as pas tout le temps le goût d'écouter de la musique, t'as le goût d'écouter du talk radio, des trucs comme ça. Fait que j'écoute pas mal de podcasts. Puis c'est ça, à un moment donné, je me suis dit, hey, c'est vrai, des fois, j'ai comme. Tu sais, des fois, là, je veux dire, j'en ai des affaires à dire. Tu sais, à Monsieur Net, on a un format qui est super le fun, qui est vraiment dynamique. Mais des fois, c'est sûr que quand tu as 3 minutes pour faire une critique, t'as pas le temps de passer partout. Puis on fait du live aussi. Fait que faire du live, c'est tout un job parce que tu parles de quelque chose, puis veux pas, s'il y a quelqu'un qui intervient pour te poser une question, tu réponds à la question. Oups, on a perdu 22 secondes. Oups, on a perdu 15, on a perdu 5. Il te reste 1 minute 45 pour faire ta critique. Fait que là, résumer un jeu en aussi peu de temps, c'est pas évident. Fait que des fois, il y avait ce côté-là, puis des fois, il y a aussi le fait que, à Monsieur Net, des fois, c'est sûr qu'on aimerait. Tu sais, Monsieur Net, là, je veux dire, s'il y avait, si l'équipe était énorme, parce que c'est une petite équipe, Monsieur Net, malgré tous les collaborateurs que le monde voit en onde, Monsieur Net, c'est Claude Arson, c'est Tristan Geoffroy, c'est Stéphane Morissette, le réalisateur, puis c'est Denis Talbot. C'est ça, Monsieur Net. Fait que ça fait pas beaucoup de monde pour organiser un aussi gros show. Fait que les gars, en plus, ils roulent en tabarouette. Parce que pour créer autant de contenu, 4 jours semaine, à toutes les semaines, c'est quelque chose, tu sais. Fait que c'est sûr que dans la tête de tout le monde qui travaille à Monsieur Net, tu sais, on aimerait ça, là, que. Tu sais, qu'est-ce que vous pensez? On aimerait ça que Monsieur Net, ça dure 1 heure. On aimerait ça avoir beaucoup plus de contenu. Mais évidemment, il faudrait plus de ressources, il faudrait plus de recherchistes. Fait que. Moi, il y a ce côté-là que, veux pas, j'y peux rien, puis même l'équipe de Monsieur Net n'y peut rien non plus. Ça, c'est ça a rapport avec, bon, tu sais, c'est des décisions qui se prennent par la direction de Musique Plus, c'est des décisions stratégiques, tout ça, puis c'est bien correct, puis on l'accepte. Mais moi, à un moment donné, je me suis dit, ben garde, moi, j'ai de quoi à dire de plus. Moi, le gaming, ça m'intéresse, puis ça m'intéresse tellement que, ben, Monsieur Net, c'est. C'est pas c'est une bonne tribune, mais j'en ai pas assez. Fait que je me suis dit, je vais me partir un podcast. Puis ça fait un bon bout de temps que je suis avec Dominique Bourret, que c'est un de mes chums, puis qu'on a bien du fun ensemble. Puis à toutes les fois qu'on se voit, on parle juste de ça, de gaming. Je veux dire, il y a plein de choses qui se passent dans nos vies. Graphiste aussi. OK. Puis tu sais, il y a plein d'affaires qui se passent dans nos vies, mais on finit par parler de ça parce que c'est ça qui nous fait triper. Fait qu'à un moment donné, c'était juste ça. On jasait, on jasait, on jasait, puis ça faisait 2 ans que moi puis Dominique, on cherchait un projet. On savait pas de quelle façon ça allait arriver. Au départ, on se disait, bon, moi, j'avais une vie de gamer à ce moment-là, qui était mon blog depuis un bon bout de temps, puis sur une vie de gamer, ben, je parlais de plusieurs affaires, tu sais, puis je feedais le monde sur des trucs que je voulais dire, que j'avais pas nécessairement le temps de dire à Monsieur Net. Puis lui, il avait Papa Cassette, où il parlait de rétro en masse, tu sais. Puis là, bon, c'est du crime. On va merger les deux. On va appeler ça Rétro Nouveau. Puis ça va vraiment être, là, t'as ta spécialité, j'ai la mienne. Tu sais, ce qu'on fait, là, à soir, là, on prend une bière, puis on jase de jeu. Ça fait 1 heure et demie qu'on jase de jeu. Pourquoi on n'enregistre pas ça? Fait que, Ouais, exactement. that's it. C'est de même, ça s'est décidé tout d'un coup. Puis au départ, c'était supposé être vidéo. C'était supposé être une web télé, puis vu tout ce que ça implique comme tant de production pour faire ça, on a décidé de pas le faire. On a décidé de laisser tomber, puis on s'est dit, garde, on va faire un podcast, puis on verra comment ça va, on verra comment les choses vont aller. Puis après ça, ben, on a décidé de faire. Attends un peu. OK, excuse-moi. Ah, oh, pas de problème. C'est cute de l'entendre dans le background, s'il n'y a pas aucun problème avec ça. C'est ça, fait qu'en tout cas, bref, on a décidé de faire Rétro Nouveau. Au départ, on avait décidé de faire juste le podcast, on gardait nos 2 sites. Puis à un moment donné, là, on a jasé, on a fait, regarde, ça n'a pas d'allure, pourquoi je feed sur mon site, tu feed sur ton site, puis on fait un podcast, on met tout ça ensemble, that's it. On est une équipe à part entière, puis that's it. Parce C'est. que sinon, vous doubliez le travail aussi. Là. Vous en faisiez chacun de votre bord, tandis que là, vous partagez le travail pour le site C'est en ça, puis même ça temps. fait une place pour les gens, tu sais, le monde va à une place seulement, puis c'est un package complet, tu sais, on a le podcast, puis on a le site, puis le site aussi, on veut vraiment, tu sais, on veut l'améliorer. On a toujours voulu faire de la vidéo, fait que c'est quelque chose qui s'en vient aussi. On va faire des, on va faire de plus en plus de vidéos sur notre site. Mais c'est ça, on, tu sais, on tripe au bout à faire ça, là. On a tellement de fun à le faire, puis c'est comme j'ai dit tantôt, tu sais, Dominique m'apprend des affaires, moi j'apprends des affaires, fait que c'est le fun parce qu'on a un site, mais en plus de fournir du contenu pour notre site, on apprend en allant le regarder, fait que non, c'est vraiment trippant, fait que le podcast est né comme ça, c'est juste la décision d'enregistrer ce qui se fait normalement sans micro. C'est ça. C'est le fun parce que ça a l'air d'une conversation entre chums aussi. Ça n'a pas l'air arrangé ou un scripté ou ça. C'est une conversation. C'est ce qui le rend intéressant. Ah, mais merci. Nous autres, c'est ça qui fait aussi qu'on a autant de fun à le faire parce que ça coule tellement bien. Tu sais, au départ, je t'avoue que quand on a commencé, on était vraiment nerveux parce que on savait pas c'était quoi un podcast. T'sais. On n'avait aucune idée. Puis moi, tu sais, j'étais à la machinette, fait que tu sais, j'ai une expérience avec le public, puis je peux parler. Si tu me demandes de faire un exposé oral qui va durer une demi-heure, je vais le faire, puis il y a juste moi qui va parler, puis j'aurai pas de problème, mais... Ouais. C'est sûr, quand t'es habitué avec une caméra d'en face, un micro, c'est moins impressionnant. C'est ça, c'est moins impressionnant, mais c'était stressant pareil, parce ouais. que on avait, tu sais, contrairement à d'habitude, quand t'es entre deux chums là, qui se parlent, on se pose pas de questions, tu sais. Tandis que là, sur un podcast, faut que ça soit intéressant pour le public aussi, tu sais. Puis faut que le monde, à l'autre bout, décroche pas. Puis nous autres, c'est quelque chose qu'on se rappelle sans arrêt. On se dit comme, OK, là, c'était trop long, tu sais. Là, moi, je parle trop. Là, moi, je fais ci, là, moi, je fais ça. T'sais, on est constamment en train de critiquer ce qu'on fait parce que, veux pas, on veut s'améliorer puis on veut que ça soit intéressant à écouter. À toutes les fois que... C'est ça, quand j'écoute un podcast puis qu'il y a une personne qui parle tout le temps puis que l'autre n'a jamais son mot à dire, si c'est une discussion, c'est comme plate, tu sais. Ouais, c'est sûr. Fait que nous autres, c'est ça, on essaye de... On se laisse de la place, mais des fois aussi, on est là genre... Des fois, moi, je fais signe à Dom, OK, c'est correct, tu sais, c'est comme là, on est en train de se répéter ou il me fait signe, tu sais. Fait que, tu sais, on essaye quand même d'être conscient qu'il y a un public à l'autre bout, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui est tough dans un podcast, parce que tu le vois pas, le monde, t'as l'impression d'être tous les deux tout seul, tu sais, tu jases, mais là, à un moment donné, tu checkes ça, t'es comme, oh boy, OK, ouais, ça fait 1h45, là, tu te réécoutes, puis tu t'écoutes ça, puis tu fais « OK, ça fait trois fois que je répète la même affaire. » Ouais. Fait que, tu sais, c'est juste ça qui fait que c'est très différent, un podcast, mais moi, j'adore le format. Je trouve ça tellement cool. Même tout ce que tu fais, ton idée, c'est vraiment génial, puis c'est sûr que ça va intéresser plein de monde, là. Mais merci. Mais c'est ça, j'espère. En partant ça, je voulais faire connaître les gens comme toi. J'ai fait Dominique Simard de oui. Factor Geek la dernière fois. Mon prochain, si tout va bien, puis s'il s'en rappelle, c'est Maxime Tremblay de l'Épée Légendaire. S'il s'en rappelle. S'il s'en rappelle, parce que ça fait longtemps que j'ai demandé. Parce que j'en fais un par mois, mais j'ai comme demandé aux gens d'avance, est-ce que ça t'intéresse pour... T'sais, me booker puis voir combien de gens faut que je regarde. Puis j'ai même Tristan qui m'a dit que ça l'intéressait. Fait que tu sais, je c'est bon, en tout cas, jusqu'à date, tu sais. Max, entre autres, c'est un gars... Si t'en parles de quelqu'un qui est dévoué là, pour le monde du gaming, lui, il est dévoué en tabarnouche, là. Non, oui, c'est ça, il travaille fort. Ben, c'est tout. Tu sais, autant toi, autant que Dominique, autant que... Que Max, je veux dire, c'est du monde qui ont chacun leur podcast, puis c'est du monde qui font ça parce qu'ils aiment ça. On fait ça par passion. Ah, c'est une passion. Tu sais, je veux dire, toi, tu travailles à Musique Plus, tu as mentionné, bon, ça, c'est une job, tu sais, c'est quelque chose, tu es rémunéré pour faire ça, mais ton podcast, c'est toi, là. C'est toi qui as décidé de le faire. Personne ne t'a tordu le bras en disant, tu vas faire ça, puis en passant, je te paye pas pour le faire. Je veux dire, quand on fait un podcast, on fait ça parce qu'on aime ça. C'est ça. Puis, fait que, je veux dire, c'est là que ça paraît souvent, c'est que c'est pas quelque chose que t'es obligé de faire, c'est quelque chose que tu fais parce que ça te tente. Puis la journée que ça te tente plus, ben, t'arrêtes parce que tu vas devenir plate souvent. Totalement. Fait que, je veux dire, c'est ça la différence. C'est pour ça que je veux avoir, tu sais, plusieurs personnes. Puis c'est, à la base, j'invite du monde que moi, je trouve intéressant, puis que j'espère que les gens vont trouver intéressant aussi, tu sais. Oui. Puis en même temps, ça peut faire connaître des gens qui sont, tu sais, moins connus, je sais pas, ça serait bizarre que ça se passe, surtout pour toi, parce que je sais, t'es quand même partout. Puis je sais, Dominique, c'est un gars, je sais, Facteur Geek, puis avant Mike Gamer, tout le monde le connaît. Ouais. Max aussi, tout le monde le connaît pas mal dans le monde du gaming. C'est pas mal moi le moins connu de la gang. Mais tu sais, je sais, ça peut faire apprendre aux gens ce que vous faites à part ça, d'où vous venez pour le gaming aussi, c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, tu sais, c'est de savoir aussi, c'est ça, qu'est-ce qui intéresse ces gens-là. Puis, tu sais, des fois, quand tu fais un podcast, tu parles des jeux puis tout, mais tu parleras pas nécessairement de toi. Peut-être des fois, le monde va vouloir en savoir plus sur toi, tu sais. Fait C'est que, ça. non, moi, je trouve ça bien trippant. Puis, en plus, tu vas voir avec Tristan... Ça, c'est un des gars les plus sympathiques et généreux que je connaisse, Tristan. Fait que. Ben, j'ai eu la chance de le rencontrer deux fois, puis c'est ça Ouais. qui m'a fait un peu que j'ai osé y demander, tu sais, parce que sinon, tu sais, ça aurait été comme, ben, il va refuser, tu sais, je veux dire, il est occupé, deux, regarde, c'est un gars de télé, tu sais, il a pas de temps à perdre pour venir dans un petit podcast qui a, tu sais, 200 auditeurs, là. Puis finalement, j'ai demandé, puis il dit, ah oui, il dit, dis-moi quand, il dit, puis je vais regarder mon horaire, puis on va s'arranger. Oh J'étais super impressionné, mais oui, autant Tristan, je me répète, le monde le sait, j'en ai parlé sur le podcast avant. Denis, Tristan, tout le monde que j'ai rencontré, nous autres, on s'est pas rencontrés. Les deux fois, j'étais à la Musique Plus, c'est t'étais pas là. Mais à date, tous ceux que j'ai rencontrés qui gravitent alentour de l'émission Monsieur Net, j'étais impressionné, là. Quand je suis allé faire un tour dans l'âge, je veux dire, tout le monde s'est levé, me serrait la main. Il y avait Yann, il y avait Tristan, il y avait. Jean-Bart, il y avait Claude de Camille. Claude, je l'ai vu, mais plus tard. Claude Vinto. n'était pas venu dans la loge, je l'ai vu après. J'avais revu même c'est Vlad qui était venu me OK. chercher à la porte en bas. Puis Ouais. c'est drôle parce que ça faisait comme, tu sais, c'était peut-être 2 ans qu'il fait plus de critique de jeu, quelque chose comme ça. Fait que je l'ai vu, j'ai dit, je te connais, toi. J'ai dit, attends un peu, laisse-moi me rappeler. Il dit, tu fais critique de sport, tu faisais critique de sport à... Il dit oui, c'est moi. Ah, c'est cool de te rencontrer. T'sais. Ouais. J'avais trippé tout le long que j'avais été là. C'était vraiment incroyable de voir t'sais, par quoi vous passez à toutes les soirs. T'sais. Quand vous faites des critiques, des choses comme ça, c'était vraiment intéressant. Puis tout le monde était tellement sympathique. T'sais. Ah, c'est cool ça, mais c'est vraiment une belle gang, Monsieur Net, là. À toutes les fois qu'on fait, c'est ça, toutes les fois qu'on fait un show, c'est le fun, on est bien ensemble, puis tout le monde qui sont sur le show s'entendent super bien. Fait que non, Ça c'est cool. paraît. Ça paraît en ondes. Oui. Oui. C'est ce que je disais à Denis Patrissin à un moment donné, c'est vous êtes pareil. Tu sais, je veux dire, en personne, vous êtes pareil comme vous êtes à la TV. Parce qu'il faut pas se leurrer, il y a du monde qui à la TV, ils ont l'air tellement sympathiques. Ouais. Puis quand tu les rencontres en personne, ils te regardent même pas. Ouais, il y en Tu a aussi sais. qui te regardent de haut, là. Des fois, c'est pas tout le temps le fun de voir des. Tu sais, là, c'est. Tu sais, admettons, là, tu vois une vedette, tu vois un genre, je sais pas, un chanteur d'un band sur lequel tu tripes, tu finis par le rencontrer, puis le gars, c'est un trou de cul, finalement, là. C'est Il est ça, vraiment pas cool, tu sais. Fait que c'est Non. plate quand ça arrive, tu sais. Ouais, c'est ça, t'as une espèce de vision de la personne. T'sais. Lui, j'aimerais, tu sais, c'est sûr que tout le monde regarde, tout le monde dit, ah, moi, j'aimerais ça être chum avec ce gars-là. Parce... Ouais, Oui. mais tu t'aimerais-tu être chum avec lui parce qu'il est à la TV? Ou t'aimerais ça être chum avec lui parce que t'as l'impression que vous avez partagé les mêmes passions, C'est ou tu sais, que ça. vraiment, vous vous entendriez vraiment comme chum, pas juste comme... Ah, oh, j'aimerais ça être chum, parce qu'il me semble avoir un chum qui travaille à la TV, ça doit être cool, tu sais. Mais, c'est C'est parce du monde, c'est ça. Tu sais, sont comme tout le monde, dans le fond. Tu sais, c'est ça qui est drôle, c'est que, tu sais, faire de la télé, puis tu sais, j'en fais pas tant que ça, fait que je me mets même pas dans le même bain que les autres, mais tu sais, du monde à Musique Plus, là, des légendes comme justement Denis, ça fait des années qu'il fait de la télé, mais tu sais, il a une famille, puis tu sais, il fait son épicerie, puis c'est tellement du monde comme tout le monde, tu sais, c'est leur Ouais. job, fait que le fait qu'ils sont devant la caméra, ça les rend plus grands que nature, mais en même temps, c'est du monde comme toi et moi, puis la plupart du temps, du monde qui sont hyper sympathiques, tu sais, fait que, tu sais, comme justement, si tu regardes même plus loin à Musique Plus, là, dis salut à Reg, à Shelly, à Tati, n'importe quand, là, même dans la rue, puis ils vont être super contents. Là, c'est ça, c'est du monde. C'est ça que j'aime de Musique Plus, moi, c'est que les gens qui sont à Musique Plus, c'est sincère, sont là, puis tu vas les voir dans la rue après, tu vas les voir n'importe où après, puis c'est du monde qui sont sympathiques, c'est du monde qui sont heureux d'être là, puis c'est honnête, là, tu sais, c'est ce qu'ils sont à la télé, c'est ce qu'ils sont dans la vie, puis moi, c'est ça qui me fait triper là-bas, ça me fait triper aussi de travailler avec eux autres, les VJ, tu sais, j'ai à travailler avec eux autres tout le temps, puis... C'est ça qui est trippant, tu sais, c'est que c'est du monde qui aime ça, puis qui sont super gentils, qui sont généreux. Fait que, regarde, c'est même. Ça va même plus loin que Monsieur Net, tu sais. Musique Plus au grand complet, là, le monde est super cool là-bas. Ouais, non, mais c'est ça que j'avais remarqué, puis c'est le fun aussi. Puis c'est pour ça que j'aime ça. Le monde va me trouver fatigant, mais j'aime ça le rappeler que, regardez, ils ont l'air sympathiques à la télévision, ils ont l'air sympathiques comme Radio Talbot, tu sais. Ça a l'air d'une gang de chums, puis ils ont l'air super fins quand ils se parlent entre eux autres, mais sont pareils quand vous les rencontrez, là. Je veux dire, ils sont pas, tu sais, ah, oh, ok, toi, t'es. Non, tellement pas. Tu sais, genre, moi je suis roi et toi t'es juste un ouvrier, tu sais. Ils sont vraiment pas, là. C'est vraiment du bon monde. Ah oui, vraiment. C'est super le fun. Puis regarde, on a un exemple, là. Même, tu sais, que toi t'aies accepté, je veux dire, c'est sûr, il y a Denis qui est toujours à la télévision, toi t'es là une fois de temps en temps, mais quand même, t'as un statut, je veux dire, le monde te connaisse, le monde qui regarde Musique Plus, je pense pas qu'il y a pas personne qui trouve pas que t'as l'air sympathique puis qui t'aime pas, là. Je veux dire, tes critiques sont super le fun, ton sens de l'humour puis tout le kit. Moi, à chaque fois que t'es là, je suis content parce que je sais que tu vas nous faire une bonne critique de jeu, puis en plus, souvent, tu vas, tu sais, nous faire rire un peu parce que, tu sais, puis fait que moi, j'aime ça. C'est great. Je me mentirais pas présentement. C'est la seule émission que j'écoute à Musique Plus, c'est Monsieur Net. Parce que le restant, j'aime ça. J'aime la musique puis tout ça, mais je veux dire, je suis pas un fan de show de réalité puis ces choses-là, là. Mais je veux dire, moi, je trouve que vous êtes le meilleur show de jeux vidéo technologie à TV. Puis je trouve ça le fun parce que, t'sais, les collaborateurs sont différents, puis c'est du monde ordinaire. Oui. Ordinaire en guillemets, là, je veux dire, vous faites tout de la télé, des choses comme ça. Mais t'sais, vous n'êtes pas toutes des critiques de jeux professionnels. Vous faites d'autres choses aussi dans la vie que juste ça. Totalement. Fait que c'est ça que je trouve le fun. Puis vous autres, vous ne vous gênerez pas pour donner une mauvaise cote à un jeu, tandis que tu regardes IGN, puis tous les jeux sont bons. Là. Ouais, IGN, ça, c'est clairement biaisé. Là. Ils sont en train de devenir un running gag aussi. Là. Ouais, IGN, moi, tout le monde à qui j'en parle, je suis comme, non, va pas sur IGN. Non, ils ont perdu leur crédibilité dernièrement. Ben, red. Fait qu'on va reculer dans le passé, on va prendre notre DeLorean, puis on va reculer une couple d'années. Yep. Tes premières expériences de gaming, ça date de quand, puis c'est quelle console, puis quel jeu à peu près, t'as commencé quand à peu près, toi, à gamer? J'ai commencé avec la Atari 2600. Ah, toi aussi? Ouais, ça a été la console, là, vraiment, je suis tombé en amour, là, littéralement, très rapidement avec cette machine-là. Mais ça a été la première vraie console de jeu, là. Oui. Avant ça, même que j'arrive pas à me rappeler, je pense pas que j'avais joué à d'autres choses. J'avais joué au ColecoVision, mais c'était à peu près dans le même temps. C'était sorti un petit peu après, je pense, Coleco puis Intellivision, là. Mais la première, vraiment, en tout cas, que moi je me rappelle, c'était la 2600. Là. Oui. Ah ouais, puis c'était ça, l'espèce de console. Un peu triangulaire, là. C'était comme une espèce de gros carré pointu. Mais... À la mode des années 70 avec des appliqués de bois dessus. Là. Ah oui, monsieur. non, c'est ça, moi j'ai trippé avec cette console-là, même que je me faisais un petit setup dans ma cave. À un moment donné, je jouais à Star Wars, puis je m'étais fait une espèce de cockpit en carton avec le joystick, tu sais, puis... C'était trippant, là, tu sais, j'étais déjà là-dedans, puis même que quand j'étais jeune, là, je te dirais, j'étais vraiment un gars, là, qui était J'aimais ça être, ça sonne super triste, mais j'aimais ça être seul avec mes jeux vidéo, puis j'étais dans ma bulle, puis dans mes affaires, tu sais, puis j'étais le petit gars qui tripait plus à être dans sa cave qu'à aller jouer dehors. J'ai tout le temps été de même. J'ai tout le temps trippé ces jeux vidéo, je pense, du plus loin que je puisse me rappeler, parce que par la suite, là, ça a été Atari 2600. Après ça, ben, j'ai joué beaucoup sur Commodore 64. Ah, Ouais. tu tombes dans mes cordes, c'est les deux consoles. Ben, Commodore 64, on peut Ouais. presque nommer ça comme une console. Je veux dire, c'est un ordinateur, mais tout le monde Mais s'en tout le monde servait s'en juste servait. pour gamer, là. C'est ça. Tu sais, c'était juste ça, l'utilisation. Fait que. Non, moi, j'ai joué beaucoup sur Commodore 64. Mon meilleur ami avait un Commodore 64 chez eux, puis. À un moment donné, l'Atari a comme fini par rattraper la poussière parce que j'étais tout le temps chez eux pour jouer au Commodore. Puis ça a été ça. Puis peu de temps après, ben le Nintendo est sorti. Puis là, ça a été phénoménal, évidemment. Là, à peu près tous les jeux étaient intéressants. C'était la première fois qu'on pouvait louer des jeux. Fait que moi, c'est ça qui me faisait triper. C'était tout le temps. On attendait la fin de semaine pour aller se louer un jeu, puis on tripait, puis Puis je non. pense que ce qu'a fait la NES, là tu parles de la première Oui, NES, la première NES. je pense qu'il a fait que le monde a tant trippé sur cette console-là, parce que quand Mario Bros, le premier Mario, Super Mario Bros est sorti sur cette Oui. console-là, il était aussi beau qu'à l'arcade. Ah oui, vraiment, C'est là. peut-être ça qui a fait que tu sais, cette console-là a tellement accroché, c'est que le monde dit « Hey, je joue sur ma TV dans le salon, puis Oui. c'est aussi beau que quand je dépense des 25 cents à l'arcade, tu sais, fait Ah, c'était écœurant, là. Puis que... » Ouais. c'était aussi le fait qu'il y avait. Moi, je me souviens, quand la NES est sortie, il y avait vraiment beaucoup de choix. Tu sais, il y avait plein d'affaires auxquelles on pouvait jouer déjà, tu sais. Puis tout était en couleur. Puis je veux dire, jouer en couleur, puis en plein de couleurs comme ça, c'était sur le Commodore, là. Tu pouvais pas jouer sur l'Atari avec un jeu plein de couleurs. C'était souvent sur fond noir, puis il y avait des espèces de graphismes affreux devant, tu sais. Ouais, en Mais 4, 4, là. 5 couleurs, puis utilise ton imagination pour le reste. Ouais, c'est ça, tu sais. Tu fais ton possible. Mais non, c'est ça, la NES, c'était le fun parce que c'était le début de quelque chose de gros en plus avec le zapper puis tout ça, tu sais. Écoute, j'avais l'impression, moi, d'être en 2000 déjà. Non, oui, non, c'était quelque chose. Il y avait le robot aussi. Je sais pas si t'avais eu la console avec le robot, puis Gyromite, je pense que le jeu c'était. Ça marchait pas à moitié du temps, mais Ça fait mal. t'avais un robot avec ta console. Ben Hey, c'était ouais. écœurant, là. Non, c'était débile. Moi, c'est ça, j'ai vraiment trippé dans ce temps-là. Puis moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 9 ans. Je passais des. Dès que j'ai eu l'âge de travailler, je l'ai fait, je passais des journaux. Puis c'était le fun parce que j'avais tellement plus de cash que mes amis. Ben ouais, parce que c'était à ce temps-là, Parce que tu passais des journaux ou rien, là, c'est ça, à cet exact. âge-là surtout. Puis moi, je le faisais parce que justement, je voulais m'acheter des jeux, je voulais me louer des jeux. Tu sais, c'est évidemment, je voulais m'acheter des figurines puis des jouets, c'est sûr et certain, mais. Tu sais, c'était vraiment les jeux, les jeux, les jeux, tu sais. Puis c'était cool parce que dans ce temps-là, tu sais, c'est dans ce temps-là, louer un jeu, c'était tellement une expérience grandiose par rapport à maintenant, là. Tu sais, Ouais. c'était. T'allais te louer un jeu, là, puis tu sais, tu sélectionnais ton jeu, là, vraiment judicieusement, puis tu checkais la pochette super longtemps. C'était de l'inconnu, tu sais. Personne qui savait vraiment c'était quoi les jeux vidéo, puis. Même ceux qui tenaient les jeux vidéo, savaient pas vraiment c'était quoi. T'sais, ils achetaient à peu près n'importe quoi, puis paf, loue-le, loue Gyrus. C'était vraiment c'était de l'inconnu, puis moi, c'est ça qui me faisait triper. Tu es en train de découvrir plein d'affaires, puis des fois aussi, tu avais des méga déceptions parce que tu regardais la pochette, tu regardais les images en arrière, puis tu faisais comme ah, ça a l'air cool, mais tu pouvais pas aller sur Internet pour voir un preview, tu sais. Ça n'existait pas dans ce temps-là, Internet. C'est Fallait que ça. t'attendes le magazine Ouais, Nintendo Power. qui sortait comme le mois d'après là, pour Ah voir. Puis là, tu voulais jouer là. Tu voulais pas jouer dans un mois, là. non, c'est ça. Mais t'arrivais chez vous aussi des fois, puis c'était une gigantesque déception, là. Puis là, Ah, souvent. tu jouais à ton jeu, puis là, tu fais comme Ah, c'est pas bien bon. Bon, ben, je vais le finir. Tu sais, tu jouais pareil, Parce que puis... t'avais payé pour ta location, puis... Exact, tu Parce sais, qu'il puis... faut pas se leurrer, là. Le monde qui pense que le crapware, ça a commencé, là, juste une couple d'années, il y avait déjà du crapware dans ce temps-là. Ouais, mais hein, C'est mais... juste qu'on était moins exigeants dans ce temps-là, fait que... Ah, beaucoup moins. Mais tu sais, t'as pas vraiment... À 9 ans, je pense que t'as pas vraiment de standard de qualité. Tu sais, Non, non, non. t'es un peu bon, ben, tu sais, on va prendre ce qu'il y a. Surtout dans ce temps-là, tu sais, on n'avait pas... Tu sais, je sonne vraiment vieux en disant ça, mais tu sais, quand il n'y avait pas Internet, là, la vie était tellement différente, là. Tu sais, c'était complètement autre chose, puis notre façon de consommer était totalement différente. Tu sais, c'était... Tu sais, quand tu achetais quelque chose, tu l'achetais à cause de ton flair ou à cause que quelqu'un t'avait dit que c'était cool, mais that's it. T'avais pas vraiment rien pour te faire une idée, tu sais, parce que même à ce moment-là, dans les revues, les critiques, c'était encore très nouveau. Fait que même moi, je me souviens de vieilles revues, des vieux Nintendo Power ou des vieux, je pense, c'est IGN, Electronic Gaming Monthly. Puis les critiques étaient souvent favorables parce que justement, c'était, t'sais, ça commençait les critiques. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de modèle sur quoi se baser. T'sais. Fait qu'au début, là, c'était n'importe quoi. Fait que t'achetais n'importe quoi. T'achetais à peu près tout. Ouais. Ouais. T'sais. Puis comme je parlais à Dominique sur le dernier podcast qu'on a fait, c'est quand la seule place que tu avais vraiment pour acheter un jeu, c'était distribution au consommateur, tu sais. Oui. Puis que là, t'arrivais, puis là, t'avais le catalogue à la maison, puis là, tu regardais les pochettes, puis ce qui te disait où ce que t'allais dépenser ton 40$, ton 50$, c'était la couleur de la pochette, qu'est-ce qu'il y Ouais. avait dessus, puis tu prenais une chance. Puis là, tu magasinais pas un jeu de sport, ou un jeu de tir, ou un jeu d'action, tu magasinais un 49,99. Ouais, exact. Quel 49,99 qui avait l'air le plus intéressant, tu choisissais, puis quand t'arrivais à la maison, ben c'était... Ouais, C'était là que c'était ça ça. se décidait, tu sais. Ah, oh, boy. Il y avait des bijoux, puis il y avait de la cochonnerie incroyable que tu pouvais ramasser. Maison, là. Parce que dans le temps du Atari 2600, des centres de location de jeux, ça n'existait pas. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, puis ça a commencé un peu par la suite. Je sais que quand la NES est sortie, il y avait, moi en tout cas, je restais à Terrebonne, puis il y avait un club vidéo qui tenait encore certains jeux de ColecoVision. OK. Je me souviens que j'ai joué à Pitfall à cause que je l'ai loué. Fait que, tu sais, ça existait, mais tu sais, c'était très... S'il n'y en avait pas beaucoup, là, ces tablettes. Puis surtout, c'est drôle, t'sais, tu mentionnais tantôt le prix. Ça, je trouve ça vraiment comique. Puis on voit à quel point on est vieux quand on regarde ça. Parce que le monde chiale, t'sais, ils sont comme 49,99 pour un jeu. C'est du vol! Maintenant, ils travaillent comme 3-4 ans sur un jeu. Il nous coûte 49,99. Dans ce temps-là, on ne savait même pas si c'était bon. C'est probablement de la bouette la plupart du temps. Mais ça coûtait 49,99. À peu près, hein, c'est ça. C'était sensiblement ça. Moi, je me souviens, les jeux, je payais entre 50 et 60 $ pas mal tout le temps. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, crime, parce que je me souviens, moi, mon objectif, c'était tout le temps, je me disais tout le temps, OK, il faut que je me pogne 60 $. Fait que c'était tout le temps 60 $ pour mon prochain jeu. Fait que c'était dans ma tête, c'était ça, la ligne. Puis. Tu sais, je trouve ça drôle maintenant, les gens qui se plaignent sans arrêt du prix des jeux, parce que les gens qui travaillent sur ces jeux-là travaillent tellement longtemps sur le jeu, puis il y a tellement d'un investissement majeur qui est mis dans ce jeu-là, Des budgets incroyables, des ouais. budgets incroyables que tu peux pas t'attendre à avoir, en tout cas au jour de la sortie, que le jeu soit moins cher qu'au moins 49 $. Tu sais, c'est... Quand même, là, il y a énormément de travail qui a été mis là-dedans. Puis ça, je trouve ça, en tout cas, je trouve ça surprenant, tu sais, surtout que à une époque où on n'avait pas vraiment d'argent, où la valeur de l'argent n'était pas la même, on payait le même prix. Oh ouais, puis faut pas oublier que c'était pas le même genre d'expérience de jeu là. Pas pantoute. T'sais, tu joues à, t'sais, y a du monde comme Dominique me disait, il jouait à Mass Effect, puis quand il a fini Mass Effect, l'histoire est venue le chercher puis tout ça. Quand j'ai fini le premier Pitfall sur mon Atari 2600, je veux dire, j'étais content là, mais Ça, c'est quoi j'ai pas l'histoire? versé de larmes, t'sais, il y avait pas d'histoire. C'était tu pars tu pars de la gauche, tu t'en vas à droite, puis mec, t'arrives au bout, ben souvent on te le dira même pas. Ouais, that's it. Tu sais, tu finis le jeu, puis je me rappelle, Pitfall, tu sais, tu finis le jeu, puis... même pas, je me rappelle, tu sautes par-dessus un dernier trou, puis ton bonhomme, je l'ai là, puis tu fais plus bouger, puis c'était ça. C'était merveilleux, merci, bonsoir, le jeu est fini. Ah, ok, tu sais, il y avait pas de vidéo pour te féliciter, ou il y avait pas de générique de fin, c'était that's it. Il y avait pas d'expérience de jeu, c'était le fun, tu jouais parce que t'avais du plaisir, mais l'histoire, c'était souvent zéro, il y avait rien, là, c'était Defender, ou peu importe les jeux que tu pouvais jouer, Q-Bert, il n'y avait pas d'histoire. Tu savais ce qu'il fallait que tu fasses, mais le background de ton personnage, puis il n'y avait rien de ça. C'est pas important, ça. Mais tu sais, aujourd'hui, je veux dire, le jeu, c'est comme un film interactif maintenant. Fait que, je veux dire, le fait qu'on paye un peu plus cher pour ça, je veux dire, pour certains jeux, ça vaut pas ça, mais pour beaucoup de jeux qui sortent, je veux dire, c'est le niveau de qualité puis l'expérience de jeu que ça va te donner, ça n'a rien à comparer avec ce que c'était dans le temps. C'est parce que maintenant aussi, c'est ça qui arrive, c'est qu'on est tellement bien renseigné maintenant, tu sais, que veux pas, tu sais, avant même qu'un jeu sorte, tu peux déjà savoir si ça va être un bon jeu, tu peux déjà savoir qu'il est rendu où dans le stade de production, tu sais. Fait que c'est des choses qu'on savait pas avant. Fait que, moi, je me souviens, là, j'ai un jeu auquel je pense à toutes les fois que je parle de ça, là, pis c'est The Adventures of Bayou Billy sur le Nintendo Entertainment System. C'était Konami qui avait fait ça. Okay. La pochette était malade. Le background, c'était... Écoute, en arrière de la pochette, il y avait des images, là. Tu pouvais rouler en char, tu pouvais courir, tu pouvais tirer, tu pouvais... fouetter, tu pouvais t'agripper à des places. Il y avait comme style Contra, style Hot Run. Il y avait même, tu avais une shot aussi d'hélicoptère qui tirait dessus en first person. C'était malade, là. Je me disais, c'est le jeu du siècle, ce jeu-là, tu sais. Mais tu te basais sur ces images-là là, pour te faire une idée. Tu n'avais rien d'autre. Puis moi, dans ce temps-là, je tripais sur Indiana Jones solide, même qu'encore là, je le dis souvent, moi, je suis un indie kid, je suis pas un Star Wars kid. Même si Star Wars, je suis vraiment un méga fan d'Indiana Jones, sauf le dernier. Moi, comme tout le monde, à peu près. Comme tout le monde. Puis c'est ça, mais tu sais, j'avais vu ça, je tripais sur Indiana Jones, je me disais, voyons, c'est sûr que ça va être bon. Puis je l'ai acheté, puis c'était de la merde solide, là. C'est vraiment mauvais comme jeu. C'est ça. Tu sais, c'est maintenant, je veux dire, je serais allé sur Internet, j'aurais vu une critique de, je sais pas, 3-4 minutes par un gars random sur Internet, je me ferais fait une idée moi-même, puis paf, c'est beau, je l'achèterais pas, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, j'aurais quasiment aimé ça avoir ça dans ce temps-là, parce que... Tu sais, tu travaillais tellement fort pour ton argent, puis là, finalement, tu achetais de quoi, puis mais, tu sais, à cause que la pochette était belle, tu te faisais avoir. C'est ça. Ouais, ouais, c'est puis c'était un classique dans ce temps-là, puis du crapware, là. Si le Commodore 64, là, ça a été une des premières machines qui sortait du crapware à la tonne. Ah, oh, il y en avait en tabarnouche. Incroyable. Il y avait le nombre de jeux, c'est incroyable. C'est quelque chose que je vais parler sur un des prochains podcasts. Je voulais aller dans mes expériences de jeux anciennes. Fait que probablement l'Atari 2600, je vais le décortiquer. Ouais. Puis le Commodore 64 aussi, parce que ça a tellement été des machines dominantes dans ma vie. Mes jeux les plus intéressants que j'ai joués encore aujourd'hui, je dirais, il y en a certains là-dedans qui sont dans mon top 10, qui sont sur le Commodore 64. Ouais. Parce que c'était tellement vaste l'offre de jeux qu'il y avait là-dessus. Mais il t'avait de la cochonnerie incroyable, là. Il y avait autant des jeux qui étaient super le fun qu'il y a des jeux que, regarde, ça aurait jamais dû être fait. Ça a toujours existé. Oui. Oh oui. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui peuvent te le dire avant que tu dépenses ton 60$ pour l'acheter. Ah, dans ce temps-là, c'était toi qui décidais si tu dépensais ton 60$ pour l'acheter. Puis souvent, c'était toi qui disais à tes chums, achète pas ça, c'est plate. Oui, exact. Ah non, ça a vraiment changé. Puis même moi, maintenant, je dis tout le temps à tout le monde, là, faites pas de précommande. Tu sais, on n'est plus dans un monde où l'industrie est aussi solide que si tu vas commander un jeu, puis c'est sûr qu'il va être bon parce que l'autre d'avant était bon, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Des fois, le monde... Le monde saute trop vite aux conclusions, puis ils se disent qu'à cause qu'un jeu a tout le temps été bon, le prochain va être super bon, t'sais, puis faut attendre, faut regarder des critiques, il faut s'informer, crime, on a toutes les ressources sont là, fait que pourquoi pas les prendre, t'sais. T'as pas de raison. Théoriquement, aujourd'hui, t'as pas de raison de dépenser 60$ pour un jeu qui est pourri. Je parle pas un jeu que t'aimeras Exact. pas. Parce que toi, tu peux me faire une critique d'un jeu, puis tu vas trouver ça super écœurant, parce que c'est ton Ouais. style de jeu, puis c'est pas le mien. Mais moi, je vais Exact. te dire, ah, Bruno, il a adoré ça, je vais aller l'acheter, puis moi, je peux trouver ça pourri parce que c'est pas Ouais. mon style de jeu. Totalement. Mais il y a une différence entre que le jeu soit vraiment pourri, puis que ça soit pas ton style aussi. Fait qu'il y a Non, deux c'est ça. choses, mais t'as Ça plus de dépend. raison. Ça dépend aussi de ce que tu cherches dans un jeu. Tu sais, moi, il y a du monde qui me parle de certains jeux. Tu sais, comme entre autres, Ian Richards me parle souvent de sa passion pour Mass Effect. Tu sais. Ouais. Puis je déteste Mass Effect, c'est pas mon genre de jeu, pas en tout, mais je comprends totalement pourquoi plusieurs personnes sont vraiment accrochées à ce jeu-là. Mais t'as vu, je suis capable de comprendre pourquoi un jeu est aussi populaire, mais vu que c'est pas mon style de jeu, ben je l'achèterais pas. Mais si on reculait 20 ans en arrière, c'est sûr que j'aurais Mass Effect parce que je me dirais, ben voyons donc, tout le monde aime ça, je vais l'acheter. Fait que, Ouais. tu sais, il y a ça aussi qui est le fun maintenant. Tu peux, comme tu dis, tu peux écouter certaines critiques. Puis aussi des fois, tu finis par connaître. Moi, c'est ça qui me fait triper aussi. Je finis par connaître le genre de critique, mais aussi le genre de jeu que certains critiques aiment. Puis là, je suis comme, OK, lui, il me ressemble, tu sais. Lui, c'est mon genre de gars, tu sais. Je vais me fier à lui pour ça, tu sais. Comme, entre autres, Denis, pour moi, c'est la Bible des first-person shooters, tu sais. Ouais, exact, oh oui. Dès que Denis critique un first-person shooter, moi, si j'hésite à acheter un first-person, je demande à Denis, tu sais. Je m'en vais voir à son bureau. Hey, Denis, t'as toujours ça, hein? Tu sais, puis on jase, puis c'est le fun, c'est ça. Moi, j'ai quand même un privilège que le monde n'a pas à la maison. Je peux aller voir Monsieur Denis en personne avant sa critique, puis on en jase, puis c'est super cool, mais c'est ça, tu sais, souvent, tu vas regarder un critique, puis tu vas vraiment, tu vas finir par comprendre, OK, lui, c'est vraiment un pro dans ce genre-là, là, il est solide, là, c'est mon gars, tu sais. Fait que ça, je trouve ça bien le fun, maintenant, tu sais, de voir qu'il y a du monde qui sont aussi pro dans certains genres, tu sais. C'est vraiment cool, puis ça te donne un bon ça te donne une bonne direction pour savoir si tu achètes ou non un jeu. C'est ça, parce que c'est sûr, à cette heure, on a tout, nous autres, on a des on a un travail, on a de l'argent qu'on peut dépenser, on s'alloue des budgets pour ce genre de choses-là. Oui. Mais tu aimes toujours mieux investir ton 60$ dans un jeu que tu sais que tu vas triper. Que Oui. dans un jeu que tu penses que tu vas triper, puis finalement tu tripes pas pantoute, puis tu te ramasses à aller le revendre, puis avoir 15 piastres pour quand t'as payé 60, tu sais. Non, non, c'est ça. Fait que c'est le fun de pouvoir te fier sur des gens pour acheter des jeux. Puis c'est un peu ça, vous autres, à Monsieur Net, c'est que vous avez chacun pas mal vos styles de jeu que vous critiquez. Fait que vous pouvez comparer, je veux dire, il y en a qui critiquent plus large, plus certains genres de Ouais. jeux, mais on sait que si un first-person shooter à Monsieur Net, c'est Denis qui va le faire. Totalement. Si un jeu à la Dragon Age, des choses comme ça, souvent c'est Tristan qui va le Ouais. faire. Ou, tu sais, fait que vous avez vos spécialisations. Fait qu'on le sait que vous avez comparé avec des jeux semblables. Puis Non, vous c'est ça. savez de quoi vous parlez. C'est ça qui est intéressant aussi. Fait qu'on peut, nous autres, on peut se fier sur vous autres pour ça, souvent. C'est ça, parce que c'est ça qu'on fait aussi dans l'équipe, tu sais. Si moi j'ai une hésitation par rapport à un style de jeu, ben des fois je vais demander à un des critiques, tu sais. Je vais faire comme, hey, puis toi, qu'est-ce que t'as pensé de ça, tu sais? Puis il va me donner son opinion, puis tu sais, je fais confiance à cette personne-là pour ce style-là précisément. Je sais que, tu sais, je sais qu'il m'a jamais envoyé dans l'erreur, là, tu sais, c'était tout le temps bien correct, tu sais. Fait que, non, c'est cool, ça. C'est C'est cool ça. qu'on ait ça maintenant, ça nous fait sauver du cash. Ouais, pas mal. Fait qu'après ça, t'as eu la NES. Quand t'as fini la NES, t'as passé à quoi après? T'as-tu passé à Super NES? T'es un gars de Nintendo ou t'es... J'étais un gars de Nintendo, puis là, après ça, j'ai eu un chum qui avait le Sega Master System, fait que j'ai passé du temps là-dessus, il me l'a prêté, j'ai trouvé que c'était plate. J'ai pas vraiment aimé ce système-là, fait que là, après ça, je suis passé au Super Nintendo. Puis j'ai trippé autant. Mais ce qui est drôle, c'est que le Super Nintendo n'était pas à moi. Moi, j'ai eu un Genesis en premier. OK. Parce que je pensais que le Genesis allait vraiment là, révolutionner le genre. Là. Après Nintendo, j'ai pensé que le Genesis allait être la prochaine console. Puis je m'étais complètement trompé. Là. Le Super Nintendo est bien meilleur. Ouais. Mais c'est ça, j'ai eu un Genesis pendant un bout. Le Super Nintendo, j'ai fini par l'acheter parce que je me suis bien rendu compte par moi-même que c'était solide. Puis j'ai pas eu de Turbo Graphics 16 parce que justement je l'ai essayé chez des amis puis j'ai vu que c'était bien ordinaire puis qu'il n'y avait pas grand-chose à avoir là. Puis après ça j'ai même touché à la 3DO OK. qui était moyenne. Et après ça il me semble c'était à quoi je suis passé. C'est la 3DO, après ça a été la Saturn. Saturn, ça j'ai vraiment été déçu que ça lâche là. Je trouvais que c'était solide, j'aimais vraiment le format des. Justement, le format de la console, le format des boîtiers et tout ça. Mais après ça, il y a eu Dreamcast. Fait que ça, Ouais. Dreamcast était vraiment écœurant malgré le fait que la manette, je l'aimais pas. Puis même maintenant, la manette de la Dreamcast, je sais que tout le monde tripe, là, mais c'est la manette qui ressemble le plus à la première manette de Xbox. Puis moi, ça. Oh, j'ai de la misère avec cette manette-là, je sais. Ouais, c'était pas tellement. Moi, je trouve pas qu'elle a un look ergonomique, là, mais. Non, vraiment pas. Elle a l'air un Ça peu a un peu bizarre. ergonomique, c'est vraiment weird. Mais non, ça a vraiment été comme Super Nintendo m'a fait vraiment triper. Puis je te dirais que pendant un bout, là, j'ai failli lâcher les jeux vidéo. OK. À cause justement de toutes les consoles qui sont sorties pendant ce temps-là, là, vraiment, là, tiens, il y a eu justement la 3DO, Colin, que c'était décevant. Saturn aussi, c'était décevant. Dreamcast, c'était super le fun pendant le temps que ça a duré. Mais là, le PlayStation 2 est sorti. PlayStation 1 est sorti. Puis là, ça a Puis là, tué beaucoup de c'est comme choses. paf! Moi, quand le PlayStation 1 est sorti, je pense que je suis sorti comme d'un coma qui avait duré plusieurs années. Là, j'ai Colin que j'ai trippé sur cette console-là. Là, j'ai tellement joué à ça. Surtout que le Nintendo 64, je l'ai pas aimé pantoute. Premièrement, j'aimais pas la manette. Je trouvais que la manette, je comprenais pas c'était quoi ce design de manette-là, mais j'ai joué avec quand même pas mal parce qu'il y avait Mario Kart 64. J'ai passé d'innombrables soirées à jouer à ça en chum. Non, Nintendo 64, j'ai vraiment pas trippé. Je trouvais que le graphisme était tout le temps, c'est comme s'il y avait un. Je le dis souvent à Rétro Nouveau, c'est comme s'il y avait un filtre de gris en avant de tout. Je trouvais pas ça beau. Puis C'était pas pour. punché, les couleurs t'as pas punché, c'était un Non, peu c'est ça. bizarre. Mais ça, c'est un consensus. On dirait que tout le monde a eu une Nintendo 64, mais personne l'a aimé. Non, c'est Tu ça. sais, C'est. ça a pas été la console, tout le monde trippait, mais t'avais comme pas le choix vraiment de Non. l'avoir. Non, c'est ça. T'avais pas vraiment le choix. Fait que, tu sais. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que. Comme moi, je jouais souvent avec mon cousin aux jeux vidéo. C'était comme mon partner de jeux vidéo. Puis lui, il achetait tout le temps les consoles de Nintendo. Fait que, tu sais, lui, c'était un no-brainer, là. C'était, s'il y a une console de Nintendo qui sort, j'achète ça, puis j'achetais rien d'autre, tu sais. OK. Moi, j'essayais plus quand même d'aller voir à gauche puis à droite parce que, tu sais, je me disais, bon, la 64, c'est pas bien bon. Fait que j'ai acheté une PlayStation, j'ai trippé solide. Je pense que mon premier jeu qui m'a fait complètement décrocher de la vie, même, c'était Metal Gear Solid 1. OK. Je me suis enfermé dans ma chambre d'appartement, puis j'étais en appart quand c'est sorti. Puis je me suis enfermé là, pendant 24 heures. J'ai fermé ma porte, j'ai même mis une pancarte en avant, dérangez-moi pas. Puis je m'étais amené de la bouffe puis tout là, puis j'ai fait Metal Gear Solid en une run sans dormir. T'étais décidé. Ah, j'étais décidé moi, mais j'ai tellement trippé à ce jeu-là là, c'est j'ai tellement trouvé ça incroyable là, tu sais toute l'immersion de ce jeu-là le moment où justement c'était Psycho Mantis qui te faisait changer de manette, tu sais comme tellement de moments dans ce jeu-là qui sont théâtrales, cinématiques, c'était le premier jeu qui ressemblait à un film, à mon avis. Il y a eu des jeux, c'est sûr, avant ça, on pourrait dire, bon, il y a eu Out of This World qui ressemblait vraiment à un film, mais la première fois où je me suis vraiment senti dans un film, c'était dans Metal Gear Solid, avec la trame sonore, puis les dialogues, puis tout ça. Je trouvais ça tellement écœurant. Puis c'est une chose surprenante parce que Metal Gear Solid, j'aime vraiment plus ça. T'sais, moi, à Metal Gear Solid 1, le gameplay est très différent du gameplay qui a commencé au deuxième puis qui est celui qu'on connaît maintenant. T'sais. Ils ont voulu mettre ça plus mainstream, peut-être, plus pour tout le Ben, monde. c'est plus, je dirais plus que c'est moins. Je dirais même à la limite là, que le premier Metal Gear Solid est plus fait pour les joueurs occasionnels que pour les joueurs hardcore. C'est OK. peut-être ça qui a fait que je l'ai plus aimé parce que ça ressemblait un peu à un third-person shooter. Tandis que celui qui est là maintenant, oui, ça ressemble à un third-person, mais c'est beaucoup plus axé sur la furtivité. Puis bien souvent, quand tu veux être furtif, tu vois même pas son où tes ennemis, tu sais, t'as ton radar, puis je sais pas, je trippe pas sur les contrôles, puis j'aime pas la façon dont Snake avance, puis je trippe pas, tu sais. Mais le premier, j'ai vraiment, là, j'ai vraiment adoré ce jeu-là, puis j'ai été sur PlayStation 1, ça a été, je pense même qu'à ce jour, c'est probablement la console avec laquelle j'ai le plus joué. Parce que maintenant, c'est ça, tu sais, j'ai une famille, j'ai une job, fait que tu sais, ça change tout. Dans ce temps-là, j'avais pas de famille, pas de blonde, je faisais juste travailler puis jouer aux jeux vidéo, fait que j'avais des chums, évidemment, je faisais autre chose, mais tu sais, je jouais vraiment souvent à des jeux vidéo. Fait que non, le PlayStation 1, là, ça a été quelque chose de pas mal gros pour moi. Puis après ça, j'ai même pas acheté une autre console, j'ai attendu que la PS2 sorte. Puis là, à PS2, c'est ça. J'ai trippé. J'ai même joué à SOCOM en ligne. Ça a vraiment été. La PS2 aussi, ça a été une machine solide, mais elle m'a un peu déçu à cause de la forme de la console. Je la trouvais super laide. Tu parles de la première version de la Ouais, la PS2? première version de la PS2, là, La grosse Bertha? Ouais, la grosse Bertha carrée avec des lignes en avant, là, j'étais comme, ah, tu sais, c'était pas terrible, mais la console était quand même assez fiable. J'ai eu une Xbox, j'ai vendu ma Xbox. Ça a duré comme, je pense, ma Xbox, ça m'a toffé peut-être 2 mois. Ok, J'ai t'as pas trippé. pas aimé ça, Xbox, vraiment, là. Puis c'est, encore là, je le répète tout le temps, là, mais c'est la manette. La manette, pour moi, ça a comme, ah, ça a pas fonctionné pantoute. J'aimais vraiment pas cette manette-là. Mais c'est important la manette. Je veux dire, la console C'est peut avoir l'air de ce qu'elle veut, mais la manette, je veux dire, c'est ça que t'as dans les mains tout le temps, là. ça. Si t'es pas confortable avec, c'est, je veux dire, ça va mal, ça Non, part mal. c'est ça. Comme moi, si, tu sais, je suis pas un grand gars, là. Je suis vraiment pas grand, pas gros. Fait que, tu sais, c'est sûr que la manette de Xbox, j'avais quasiment l'impression qu'elle était plus grosse que moi. Fait que, je tripe pas, tu sais. Puis, j'ai eu aussi, c'est ça, on a oublié, j'ai eu la GameCube. Puis, GameCube, j'ai vraiment été déçu de comment ça a viré, la GameCube. Parce que je l'ai vraiment aimé, cette console-là. Je la trouvais belle, je trouvais qu'elle roulait bien. Les jeux étaient super le fun, mais il n'y avait pas beaucoup de jeux. La manette, moi, j'aimais cette manette-là, sauf le piton jaune qu'il y avait dessus, le deuxième joystick, je ne l'ai jamais compris, là, tu sais, pourquoi ils ont pas mis pourquoi ils n'ont rien mis pour accoter ton pouce, tu sais, c'était comme juste un petit bout de bâton, c'était un peu bizarre, mais ça m'a vraiment fait triper, la GameCube, je l'ai bien aimée, surtout quand tu considères que la Wii, c'est comme GameCube plus peut-être un 25% en termes de graphisme. Oh ouais, c'est pas rien de révolutionnaire, là, oui, là. C'est ça, fait que tu sais, c'est ça. Moi, ça a été la GameCube m'a fait pas mal triper, puis j'ai été pas mal déçu qu'elle n'ait pas plus de suivi que ça. Fait que je me suis concentré sur ma bonne vieille PlayStation 2, puis j'ai joué à une tonne de jeux là-dessus. D'ailleurs, c'est là-dessus que je me suis aperçu que Metal Gear Solid, c'était un peu fini pour moi, même si je réessaye à toutes les fois qu'il y a un nouveau Metal Gear, ça, je me dis, ah, j'ai tellement trippé, puis finalement, c'est plus mon genre de jeu. Ça te ramène pas à ce que t'avais pour le premier. Non, puis pourtant, j'ai rejoué à Metal Gear Solid 1, puis ça me ramène tout de suite, tu sais, je trippe au bout sur ce jeu-là, puis les autres le font juste pas, ça marche pas pour moi. Peut-être le troisième, Snake Eater, j'avoue que je l'avais aimé, mais c'est ça, tu sais, je sais pas, il y a quelque chose dans Metal Gear qui me rejoint pas, Peut-être justement, plus le mode furtif. Je suis vraiment un gars type action, moi. Tu sais, j'ai. Quand j'étais jeune, les jeux qui me faisaient triper, c'était les platformers. OK. T'sais, c'était vraiment, là, ça, c'était mon style de jeu. D'ailleurs, maintenant, je dirais que ma spécialité, c'est ça. T'sais, c'est les platformers, c'est vraiment les jeux dans lesquels j'excelle le plus. Les third-person shooters aussi, mais les third-person shooters, à mon avis, à mon humble avis, c'est un platformer avec un gun. OK, ouais. Fait que tu sais, ça dépend, c'est sûr. Des fois, il y a des third-person shooters comme Gears of War où tu sautes pas vraiment. Fait que là, c'est plus un platformer, mais. Ils sont pas capables de sauter. C'est juste pas capable de sauter. Tu sais, c'est drôle quand même, hein, qu'on est rendu à une étape dans la vie où les designers de jeux se disent non, toi, tu sautes pas. Ouais, la seule manière dans Gears of War que tu peux sauter, c'est si tu passes par-dessus une caisse, parce que sinon, on dirait qu'ils ont des. La terre est en métal, puis les souliers sont faits en aimant, puis ça lève pas de la terre, pas capable. Ah, je trouve ça très drôle, ça, mais non, c'est assez impressionnant. Puis c'est ça, puis j'ai la Wii est probablement, puis d'ailleurs, je ne ferai plus jamais ça de toute ma vie. La Wii est la seule console pour laquelle j'ai attendu en ligne. Attention. OK. J'ai attendu en ligne pour la Wii parce que je me demandais qu'est-ce que c'était que cette patente-là, je comprenais pas. Puis j'ai attendu en ligne, j'ai toffé, je pense, 3 heures, puis j'ai sacré mon camp. J'ai laissé faire. Puis finalement, j'ai attendu de me prendre une Wii, je pense, c'est comme une semaine après, j'en avais une. OK, ouais. Ça m'était pas vraiment besoin d'attendre en ligne pour ça, là, mais c'est ça, fait que finalement, j'ai eu une Wii parce qu'après la PS2, bon, il y a eu la Xbox, mais moi, j'ai vendu ma Xbox. Fait qu'après ça a été, puis c'est ça, j'ai eu la GameCube. Mais après ça, c'était les consoles de prochaine génération. La première que j'ai eue, c'est la PS3. Ouais, parce que t'avais une affinité pour Sony, Ouais, ben, encore aujourd'hui. encore aujourd'hui, parce que Sony, jusqu'à maintenant, ils m'ont jamais déçu. Tu sais, j'ai pas. Il n'est pas arrivé encore là, le jour où Sony m'a déçu. Peut-être, bon, il y a plusieurs qui vont trouver ça bien comique avec la PSP Go, tu sais, parce que la PSP Go, bon, tout le monde a l'impression que j'ai comme 48 PSP chez nous, mais non. La vérité, c'est juste que j'ai acheté la première version de la PSP, la deuxième version et la PSP Go. Puis la PSP Go, ce qui est triste, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi là-dessus, puis que Sony n'a pas tenu sa parole d'aller en téléchargement complètement puis de laisser tomber le EMD. Moi, c'est ce que j'espère. De toute façon, c'est ça qui s'en vient. Avec la Vita. C'est ça qui s'en vient avec la Vita. Puis c'est ça qui s'en vient en général. Tu sais, Ouais. y a de plus en plus d'articles qui sont en train de confirmer que les consoles, on ne sait pas si c'est les vrais noms, mais la PS4 puis la 720, si on peut les nommer ainsi, ça va être les dernières consoles de la prochaine génération. T'sais. Il y aura plus de consoles après ça. Tout va jouer sur le cloud. T'sais. Ça Ouais. va tout se faire en cloud gaming. Fait que tout se ferait en téléchargement. Fait que c'est ça l'avenir. C'est juste qu'ils sont peut-être allés un peu trop vite. T'sais. Fait que ça, j'ai été un peu déçu parce que moi, je l'aimais, la PSP Go. Elle était petite, elle était plus petite, c'était facile à traîner, c'était une belle console. C'est une Moi, je trouve super qu'elle était cute, mais. Elle était cute, puis en plus de ça, elle fonctionne bien, cette console-là. Tu sais, le temps de chargement est beaucoup plus rapide. Fait que moi, c'est une console qui me fait triper, tu sais. Puis d'ailleurs, les consoles portatives, on a passé par-dessus, mais j'ai eu tout ce qui s'est fait, je pense, de Nintendo, comme en termes de Game Boy, tu sais. Game Boy Micro, Game Boy SD, Game Boy Advance, tu sais, je les ai tous eus, puis j'ai tout le temps trippé sur les consoles portables, parce que c'est le fun, une console portable, tu peux jouer partout, tu peux amener ça n'importe où, c'est Ouais. vraiment trippant, puis il y a un style de jeu qui se retrouve sur ces consoles-là qu'on retrouve pas tout le temps sur les consoles de maison, fait que je trouve que c'est du bon stock. La PSP, je suis plus fan de la PSP que de la DS, mais c'est simplement à cause des jeux. Les styles de jeux qui sont offerts aussi, c'est plus adulte la PSP, Exact. tandis que la DS est plus enfant, adolescent, là. C'est ça. Mais j'aime quand même la DS. La 3DS, je suis déçu de l'offre qu'il y a présentement. Mais j'aime la console. La console, je la trouve vraiment débile. C'est une super belle console qui roule bien. puis vraiment bel écran, bel effet de 3D, même si ça sert pas tout le temps à quelque chose, ben franchement, l'effet de 3D est bon. Puis, ça griche de ton bord, je sais pas ce qui se passe. Oh, excuse-moi, c'est parce que je m'en rendais pas compte, mais j'étais en train de je sais pas, il y a un bout de tissu qui est passé dessus. Ah, ok, c'est beau, je me demandais juste, j'entendais comme frotter, je me suis dit, c'est juste un... C'est ça, genre? Correct. OK, non, c'est ça, mais ce que je disais, c'est que la 3DS est solide aussi, mais chez nous, présentement, c'est vraiment, c'est comme un musée du jeu vidéo, j'ai toutes les consoles. OK. Il y a pas de favoritisme vraiment, là, j'ai même la 360, je l'ai. Je t'avoue que je passe moins de temps sur ma 360 parce que y a les exclusivités de 360, c'est pas mes meilleurs. Là, il y a Gears of War qu'il faudrait bien que je finisse à un moment donné, que j'ai pas encore fini. J'aime pas Halo, ça c'est un choix personnel, mais moi les first person shooter, c'est correct, mais quand le héros me dit absolument rien, puis Master Chief, pour moi, là, ça pourrait être Passe-Montagne qui est à l'intérieur, on ne saura jamais. C'est un fait. Puis ça m'énerve, j'aime pas ça. Moi, j'aime, tu sais, l'enrobage d'un jeu, pour moi, est important. Si tu n'es pas capable de m'attirer par l'histoire, par les personnages, même si tu as le meilleur jeu au monde, puis que tu dis que c'est le meilleur jeu au monde, ça me fera rien, tu sais. J'aurais pas le goût d'y aller, tu sais. T'es mal parti. Ouais, c'est ça. Mais Halo, tu sais, regarde, j'ai Halo Reach, il est chez nous, là, puis j'ai joué pendant une heure l'autre fois, puis ça me prouve à quel point c'est pas un jeu pour moi. Mais Gears of War 3, je trippe, c'est super bon, vraiment un excellent jeu. Fait que ouais. C'est ça, je pense que la seule exclusivité de 360 qui me fait tripper, c'est Gears, c'est vraiment... C'est un jeu solide, ça, là. C'est, je veux dire, ça a inspiré une tonne de jeux, en plus. Alan Wake aussi, j'ai bien hâte de voir la suite. C'est vraiment du bonbon. Mais c'est ça. Sinon, j'ai joué pas mal à Limbo aussi. Il y a des jeux indie que je joue sur XBLA aussi, parce que l'offre des jeux en téléchargement sur la 360 est pas mal meilleure que celui de la PlayStation. Ouais. Même si PlayStation commence à se rattraper quand même pas mal. Mais comme je dis, c'est une question de manette, t'sais. Moi, la manette de la PlayStation, c'est encore ma meilleure. La DualShock, je veux dire, garde, ça fait plein de fois qu'ils gardent le même style de manette. À quelque part, ça doit bien vouloir dire quelque chose, t'sais. Parce qu'il avait essayé de la changer, je pense, pour la PS3, puis le monde avait fait un tollé avec ça, disant « Vous toucherez pas à notre manette. » Il était revenu à l'ancienne. Ça avait l'air de boomerang, là. C'était dégueulasse. Puis le Sony est allé en disant « Ouais, mais c'est parce que si on vous donne l'ancienne manette, on pourra pas vous mettre le Six Axis et le DualShock, je pense qu'il disait. » Puis finalement, ils ont été capables de le faire. Oui, c'est des niaiseries, ça. Il voulait juste pas retourner à... enlever le design qu'il avait décidé d'avoir pour la nouvelle console. Ah, c'est correct. Ils veulent essayer des nouvelles affaires, mais des fois, tu sais, quand ça a fait ses preuves, tu sais. Puis la manette de la 360, je suis vraiment content parce qu'il y a quand même eu un redesign au fil des années avec la Xbox. Ouais. Puis là, je trouve qu'ils ont vraiment une manette fiable et solide, là, vraiment bonne. Même pour jouer à des jeux de char, la manette de la 360, j'avoue qu'elle est assez solide. La PS3, pour ça, pour les jeux de char, j'avoue que c'est un petit peu plus tough à cause des gâchettes. Ouais. Mais la 360, j'avoue que ça, c'est très, très, très fort. Puis ma Wii, ben, je sais que la Wii de plusieurs personnes pogne la poussière tout le temps. Moi, ce qui arrive, c'est que j'ai, à cause de Monsieur Net, entre autres, j'ai la chance d'essayer plusieurs jeux de Wii. Puis, ben, des fois, c'est des jeux, là, regarde, ça vient d'arriver, puis paf, je le critique, puis je trippe. Fait que, tu sais, des fois aussi, la Wii, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a du monde qui ont juste laissé tomber. Ils sont juste dit, bah, la merde, elle a une offre pas mal moins intéressante que les deux autres. C'est pas vraiment une console next-gen, fait que je vais passer à côté, puis that's it. Puis il y a du monde qui vont chialer contre la Wii sans même y jouer, tu sais, qui ont joué à Wii Sport, puis qui ont arrêté là, tu sais. C'est devenu à mode aussi de cracher sur la Wii, je pense, un peu. Oh, ouais, ben, cracher sur la Wii, puis cracher sur Nintendo en général, c'est comme devenu une mode, tu sais. Parce qu'il faut toujours se rappeler, moi, la Wii, c'est pas... ça a été révolutionnaire quand ça a sorti. C'est quand même eux autres qui ont fait que Sony a sorti la Move puis que Microsoft a sorti la Kinect. Là. Sinon, ouais. On n'aurait probablement jamais connu ça pour les consoles de génération présente, peut-être dans les prochaines, mais pas pour là. Ouais. Mais je vais toujours avoir un respect pour Nintendo, pour ce qu'ils ont fait pour le monde du jeu vidéo. Ben oui. Puis même quand j'étais kid, là, puis j'allais à l'arcade, les jeux que je jouais à l'arcade, c'était des jeux Nintendo. C'était le premier Mario Bros, là, tu dois t'en rappeler, avec où ce que tu faisais juste tuer des crabes, puis des tortues, puis le platformer avec le pas au milieu, puis tu pouvais jouer Luigi puis Mario, ça a été un de mes plus grands jeux. Puis après ça, j'avais Punch-Out à l'arcade. Ouais. C'est tous des jeux Nintendo, fait que dans mon cœur qui reste un peu d'enfant, je vais toujours avoir un respect pour Nintendo, non, pour c'est ce ça. Qu'ils ont fait pour le monde du jeu vidéo. Et aussi, ils jouent beaucoup là-dessus dans leur marketing. C'est beaucoup axé sur la nostalgie. C'est leur force, mais en même temps, c'est ce qui est en train de devenir leur faiblesse. Parce que après autant d'années, à un moment donné, il serait bon de sortir des nouvelles licences, de sortir des nouveaux icônes pour Nintendo. Ouais. Bon, il suffit trop sur Mario puis sur Zelda et Link. Là. Ben, c'est ça. C'est à un moment donné, à un moment donné, ce qui est plate, c'est que les meilleurs jeux de Nintendo, c'est les jeux de Nintendo. C'est ceux-là que Nintendo publie. Fait que, si c'est ça, fine, mais sortez au moins d'autres licences, d'autres styles de jeux, puis faites-la à l'interne parce que vous avez des bonnes équipes, mais sortez d'autres choses aussi. Il n'y a pas juste Mario, pas juste Samus Aran, il n'y a pas juste Link. Il y a d'autres personnages qui seraient possibles. Puis j'ose espérer que c'est ça qui va se passer avec la Wii U, tu sais, qu'ils vont décider d'aller de l'avant, puis qu'ils feront pas juste prendre des jeux, des third party, comme, tu sais, on sait que là, il y a Ninja Gaiden qui va sortir dessus, qui est possiblement un des jeux les plus violents qui existent. Fait que, tu sais, s'ils sont capables d'accepter qu'il y a des jeux comme ça aussi... Pourquoi pas le faire eux-mêmes, tu sais, ou le faire avec un third party de confiance, mais qui travaille avec des gens à l'interne, tu sais. Mais ouais. Mais c'est ça, moi je trouve que la Wii, c'est pas autant que c'est une bonne console, mais il y a des bons jeux dessus. Tu sais, c'est pas la meilleure console. Puis si tu me demandes si j'ai le choix entre jouer avec des mouvements ou avec des contrôles classiques, je vais choisir classique tout le temps. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais Nintendo, depuis 2 ans à peu près à tous les jeux, il offre le choix de jouer en classique ou de jouer avec les mouvements. Fait que ça, je trouve ça intéressant. C'est un côté qui est pas mal le fun à le jeu parce que justement, t'es pas obligé de jouer avec la gamique, de tout le temps jouer avec le motion, parce que des fois, ça peut devenir fatigant, tu sais. Puis entre autres, un de mes meilleurs jeux de l'année, c'est Skyward Sword, tu sais, que j'ai vraiment trippé solide sur ce jeu-là, là, puis tu sais, qu'il aurait été sur n'importe quelle console, je l'aurais trouvé aussi bon, là. J'aurais aimé ça si les personnages avaient pu parler, là. Ouais. Ça, c'est un peu tanné de lire du texte, mais... Ouais, ça, c'est un trademark de Nintendo. Là, aussi. Ouais, c'est un trademark des RPG aussi. Il y a plusieurs RPG qui sont comme ça, des vieux RPG. Mm-hmm. Mais non, c'est ça, mais Nintendo fait encore du très bon stock, puis j'espère juste que la Wii U va changer ce que les gens pensent de Nintendo, parce que c'est malheureux parce que le monde a juste laissé tomber, tu sais. Ils ont juste fait comme bof. La merde, Nintendo, ça n'existe plus pour moi. Nintendo, c'est fait pour les bébés. C'est ci, c'est ça, tu sais. C'est comme, ils ont quand même du bon stock. Ils ont quand même des bonnes affaires. Fait que, tu sais, j'espère qu'ils vont revenir. Surtout, j'espère qu'ils vont revenir dans la course. Parce que là, présentement, là, c'est PS3 et 360, that's it. Là, sont complètement écartés, eux autres, là. Fait que, tu sais, ça serait le fun qu'ils reviennent en course et qu'ils soient un adversaire de taille, là. Parce qu'ils sont un peu victimes de l'image qu'ils se sont donnée. Ouais, ben c'est tout de leur faute, à vrai dire. Ouais, parce qu'ils voulaient pas de jeux violents. À un moment donné, ça a été peut-être le pire sur la Super NES. Pas de jeux violents. Je veux dire, Mortal Kombat avait sorti sur la Genesis puis sur la Super NES en même temps. Puis sur la Super NES, c'était pas de sang. C'était comme de la sueur. Puis il avait changé toutes les fatalités. C'était différent. C'était moins violent. Tandis que la Genesis avait la version arcade. Fait que là, t'avais le clan Moi, je veux des jeux pour adultes, violents, pas censurés, qui s'en allaient sur Sega, puis les autres s'en allaient sur Nintendo. Puis ça a comme collé pour étant une console plus familiale, Nintendo. Fait que les hardcore se sont plus allés vers d'autres choses. Ouais. Fait qu'ils sont victimes de l'image qu'ils ont voulu se donner, puis c'est dur à virer ça de bord aujourd'hui, là. Non, non, c'est vraiment dur, mais t'sais, c'est ça. On verra qu'est-ce qui va se passer. Le 3 cet été, ça va être très intéressant. Parce qu'il y a tellement d'affaires qui vont se dessiner au E3. Là, t'sais, il y a la Wii U, il y a qu'est-ce qui se passe avec le futur de Sony, avec le futur de Microsoft. Il va bien falloir qu'ils annoncent quelque chose. Même si c'est pas une console, il va falloir qu'ils donnent un petit tease, t'sais, qu'ils disent qu'est-ce qui s'en vient. T'sais. Ouais. Fait que non, l'avenir est très intéressant pour le jeu vidéo. Il y a beaucoup de rumeurs que Microsoft va annoncer leur prochaine console au E3 cette année. Ouais. Puis pour Nintendo, j'espère que non. Non, c'est ça, c'est sûr. Là. Faudrait qu'il y ait le temps que la Wii U lève un peu, au moins que les gens s'en intéressent. Parce que s'ils sortent la Wii U, parce que là, elle n'est même pas supposée sortir en début d'année, c'est comme milieu, fin d'année à cette heure, la date de sortie. Si Microsoft annonce que la prochaine Xbox sort pour Noël ou sort au printemps 2013, c'est plate pour Nintendo, mais ils n'auront pas le temps de reprendre le marché qu'ils aimeraient reprendre, d'après moi. Ça dépend de l'offre. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps ça, ça dépend de l'offre. Puis aussi, il y a une autre affaire qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que malgré tout ça, malgré tout ce qu'on en dit, Nintendo a les meilleures ventes à ce jour. Bon, oui. C'est eux autres qui vendent le plus de consoles. C'est pas une compagnie qui est dans la merde, là. T'sais, au contraire, ils se sont en avance sur les deux autres. Fait qu'ils peuvent comme se permettre ces gaffes-là, mais t'sais, c'est plate parce que la vie du public et t'sais, surtout les hardcore gamers, je pense pas le reste des gamers, t'sais, si je pense aux jeunes, ils ont toute une Wii, puis leurs familles ont toute une Wii, t'sais, puis c'est normal pour eux autres. Mais maintenant, plus les gens vieillissent, plus ils finissent par s'acheter une 360, t'sais. C'est ça, ou une PS3, puis ouais. La Wii, ben, elle reste dans les magasins. Exact. Fait qu'on va voir ce que ça donnera. Ouais. Je vais passer dans pas mal les dernières questions. Ça peut être long pareil, parce que ça va dépendre des réponses que tu vas me donner, puis comment loin on va reculer. J'ai toujours demandé, là, avis pour toi, ça a été quoi ta meilleure console, la console que tu as préférée? Ça peut être portable ou non? La console que j'ai préférée à vie, je pense que ça va être le... Je pense que c'est la Nintendo. La Nintendo Entertainment System, là, le NES. Ça peut pas être autre chose parce que c'est ça qui m'a vraiment donné la piqûre. Puis, il n'y a pas de substitut pour la NES. C'est toutes les consoles qui existent présentement, tous les jeux auxquels tu joues, tu peux y jouer sur une autre console, puis tu vas avoir sensiblement le même produit. Ça, il y avait comme une facture visuelle, la manette comme telle, toute l'expérience au complet, c'est pas trouvable nulle part. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a tellement un gros boom du rétro maintenant. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est quelque chose qui a traversé le temps puis qui est toujours aussi cohérent maintenant. T'sais, j'ai toujours autant de fun à jouer aux jeux qu'il y avait sur Nintendo maintenant que j'en ai eu auparavant. Mais t'sais, si je rejoue un jeu de PlayStation 1 ou si je rejoue un jeu de GameCube, ça n'a pas aussi bien vieilli, t'sais, parce qu'on n'est pas si loin que ça du next-gen. Fait que je vais tout le temps comparer, je vais tout le temps faire comme « Ouais, c'est pas pire, mais là, lui, tu sais, c'est tellement plus beau, tu sais, tant qu'à essayer d'être beau, ben là, maintenant, c'est plus beau, puis, tu sais, côté contrôle, c'est toujours aussi le fun, mais, tu sais, c'est sûr que la NES a quelque chose de vraiment unique, puis pour moi, c'est ma console préférée à vie, je n'avais plus, j'en ai racheté une quand on s'est mis à faire rétro nouveau. Puis je trippe, c'est la console de mon choix. Parfait. Ben, c'est un bon choix, puis c'est le choix de, probablement de bien du monde aussi Ouais. qui ont eu la chance de la connaître quand elle est sortie, là. Ouais, c'est ça, c'est vrai, parce qu'il y en a qui n'étaient pas nés non plus quand c'est sorti. Fait Il y a beaucoup de monde qui était pas né quand c'était sorti. que... Ça nous rajeunit pas, mais que veux-tu? Mais Ça avec nous donne l'expérience. ouais, aussi avec la Nintendo, tu sais, c'était. Tu sais, il y avait ça, il y avait le Nintendo Power qui était que c'était quasiment comme une offre qui allait main en main avec. Tu sais, tu ouvrais ta boîte, puis tu avais une offre pour le Nintendo Power. Fait que tu avais ta revue, tu avais ton Nintendo, tu avais. Tu sais, c'était comme une grosse expérience complète, puis il n'y avait comme rien qui existait autour, il n'y avait pas vraiment de compétiteurs. Fait que, tu sais, c'était, je sais pas, ça a tellement pris une grosse partie de ma vie que c'est ancré, là, c'est là pour rester. Ben c'est bon, c'est un bon choix. Ton meilleur jeu vidéo que t'as joué à vie, ce que t'as aimé le plus jouer, ça serait quoi? Ouf! Je sais que t'en as joué une tonne et quart des jeux. Comme je disais avant qu'on commence à enregistrer, t'as des jeux que t'as joué que j'ai même jamais entendu vaguement parler. Ouais. Fait que. C'est vrai. Non, mon jeu que j'ai le plus aimé. Wow. Hey, ça, c'est tellement une question qui est tough. Surtout pour un gars comme toi qui en joue tellement. Ouais, c'est ça. Je sais même pas. J'ose même pas compter le nombre de jeux auxquels j'ai joué. Parce que je pense que le jeu qui a le plus marqué mon existence, c'est Super Mario Bros. 3. Puis c'est. Je fais pas ça à cause que genre le Nintendo c'était mon meilleur, là, mais Super Mario Bros. 3, quand j'ai joué à ça, j'ai eu l'impression que c'était comme le next-gen du rétro. Parce que c'était un jeu qui était tellement. C'était révolutionnaire dans la façon de faire un jeu de plateforme. C'était la première fois qu'on voyait Mario d'une telle façon. Que justement, que tu avais des cartes pour choisir où est-ce que tu allais aller, que tu avais des tableaux différents, la musique, c'était vraiment époustouflant pour ce qui se faisait à l'époque. Fait que ça a été un des jeux qui m'a marqué. Sinon, je te dirais, là, ben, c'est ça, à vie, je pourrais pas dire, mais les jeux qui ont marqué ma vie, il y a, c'est ça, Super Mario Bros. 3, Metal Gear Solid 1, vraiment, comme je l'ai raconté tantôt, on sait pourquoi, hein, ça m'a vraiment marqué. Puis God of War, quand j'ai joué à ça, je m'attendais pas pantoute à ce à quoi j'allais jouer. Puis ça m'a vraiment impressionné. Puis pour moi, c'est il n'y a pas de personnage plus badass que ça dans l'histoire des jeux vidéo. Là, c'est vraiment Bon, c'est dur à trouver, c'est c'est vrai dur que. à trouver. Tu sais, ils ont vraiment pris. Ils ont pris un barbare redoutable, là, puis en plus qui est cool visuellement. Fait que ça, j'ai vraiment adoré God of War. Ça a été un jeu qui a changé ma vie. Rez aussi, c'est un des jeux qui m'a fait triper. Pour les gens qui connaissent pas Rez, vous connaissez peut-être le nouveau qui est. Bordel, c'est plate parce que là, j'ai un blanc. Child of Eden. OK. C'est le même réalisateur, c'est le même style de jeu, c'est un jeu musical. Puis les jeux musicaux, j'aime ça. Tu sais, c'est un genre qui n'est pas assez exploité, à mon avis. Puis ça m'a vraiment fait triper. Pis sinon, un petit dernier là, qui m'a vraiment marqué solide, c'est Shadow of the Colossus. OK. J'étais très content d'ailleurs j'ai pu en parler à Monsieur Net parce que j'ai fait la critique de la collection HD. Puis ça, écoute, là, ça m'a tellement marqué ce jeu-là parce que c'était grandiose. T'sais. J'aime les. Je dis épique souvent, là, mais c'est pas. J'aime ça les affaires épiques. Moi, j'aime ça quand tu te sens minuscule, là, microscopique à côté de ton ennemi. T'sais. Pour moi, ça a tout le temps été ça, les jeux vidéo. Je me suis dit, à un moment donné, là, on va se battre contre des colosses. T'sais. Les jeux vidéo, ça sert à ça. Ça sert à s'évader complètement par faire des trucs que tu pourrais jamais faire dans ta vie de tous les jours. Fait que. Un peu David contre Goliath. Oui, totalement. C'est très bien dit parce que c'est un peu ça. Puis moi, c'est ça qui me fait triper dans les jeux vidéo. Puis c'est pour ça que je joue à des jeux vidéo. Tu sais, dans ta vie, tu pourras jamais être Batman, mais dans Arkham City, tu l'es tellement Batman. Puis tu tripes C'est au vrai. bout, là. Ouais, c'est vrai. Ça a été Batman. Ouais, c'est une bonne idée de ce qu'ils peuvent faire pour un bon jeu vidéo Ah de boy. super-héros. Mon jeu de l'année 2011. Tellement bon. Ton pire jeu à vie, à part Gremlin Mogwai là, que t'as fait à Monsieur Net l'autre jour. Ah, c'était mauvais, ça. Le pire, c'est que quand j'ai vu que tu critiquais ça, j'ai arrêté ce que je faisais. J'ai dit, j'ai été fan des films de Gremlins. J'ai trouvé Oui. ça bon. Le premier, j'ai même rentré par comme. J'étais pas supposé pouvoir aller le voir. J'avais pas l'âge requis qui était 13 ans. J'avais 11 ans, je pense. Mon cousin avait 13 ans. Puis on a comme réussi à rentrer au cinéma, même si le gars voulait pas me laisser rentrer parce qu'il voyait que j'étais tellement débiné pour pouvoir aller voir le film. Puis il m'a laissé rentrer pareil. Fait que c'est comme un film qui a marqué un peu ma vie, même si c'est pas un chef-d'œuvre, là. Mais c'est un bon film. Fait que Non, quand c'est un j'ai vu bon ça, je me suis dit, hey, j'ai dit, c'est intéressant. J'ai dit, un peu en retard, là. film. Un peu. T'sais, 1980 a appelé, ils veulent avoir les idées de jeux vidéo, mais si, Exact. t'sais, après ça, je dis, ben, c'était intéressant. Puis quand j'ai vu que tu as donné un 1 sur 10, j'étais comme, OK, on va laisser faire. Ah, c'était tellement mauvais, là. C'était épouvantable. Ben, à part ça, là, mon pire jeu, je pense que c'était. Voyons, Colin. Altered Species, Vampire Rain. J'ai joué à ça. Je me souviens plus si j'ai joué sur Xbox ou PS3. Ça en a été un là, qui a vraiment là, souffrir pour critiquer un jeu, là. Tu sais, parce que quand on critique des jeux. Moi, ma façon de procéder pour critiquer un jeu, j'essaie de le finir pas mal tout le temps, tu sais. Puis si je le finis pas, j'essaie de me rendre vraiment loin parce que des fois, il y a certains jeux où le jeu va vraiment prendre son envol après une ou 2 heures de jeu, tu sais. Ouais, c'est Fait que, vrai. faut pas, tu sais, pour critiquer un jeu, tu joues pas une demi-heure, là, ça marchera jamais. Fait que, tu sais, faut quand même que tu aies une idée globale. Puis. Ça, c'était pourri, là, tu sais, les contrôles étaient minables, le script était pas bon, les voix étaient épouvantables, c'était tellement laid, puis ça jouait mal, fait que j'ai vraiment, là, j'ai capoté, j'avais vraiment de la misère à faire ma critique, j'étais comme, fuck, faut encore que je joue à Vampire Rain, c'était tellement mauvais, là, puis en plus, c'était un jeu next-gen, tu sais, fait que tu t'attends à un certain standard de qualité, mais c'était vraiment pourri. Puis sinon, à part ça, là, ben, je sais que c'est une réponse qui doit revenir souvent, mais c'était E.T. Parce que moi, E.T. C'est le même que Dominique m'a donné la dernière Ah, fois. c'est parce qu'E.T., je l'ai acheté, moi. Sur l'Atari 2600? Pis... Un 49,99 très mal investi. Moi Ah, aussi, je l'avais acheté. c'était tellement mauvais. Puis en plus, tu sais. Moi, quand je l'ai acheté, tu sais, j'étais tellement heureux, là, parce que E.T., c'était tellement bon quand c'est sorti. Ils sont Ben, c'est un des premiers excités. films que la plupart du monde, en tout cas de mon âge, ont vu au cinéma. Oui. Ah oui, puis on tripait sur E.T. Moi, j'avais un poster d'E.T. dans ma chambre, là, c'était mon chum. Ouais. Mais, crime, c'était tellement pas bon. Puis même à une époque où j'avais aucun standard de qualité, j'ai pu me dire, ben non, ça, c'est vraiment un mauvais jeu, tu sais. Fait que ça devait vraiment être mauvais. J'ai pas rejoué, puis je pense qu'il faut pas que je rejoue non plus. Là. Je vais laisser ça comme ça. Puis je vais laisser ça. Je vais le laisser là, bien tranquille. Là. Puis en plus de ça, j'ai eu de la chance parce que je l'ai échangé contre un autre jeu. Ok. Je l'ai échangé contre Berserk sur Atari. Qui est un peu mieux. Qui est tellement mieux. Puis j'avais fait un bon coup parce que le gars qui me l'avait échangé avait juste aucune idée de qu'est-ce que c'était, E.T., tu sais. Puis. Je me souviens en plus que quand je l'ai échangé, que j'avais dit, ben tiens, on va se l'échanger parce que moi, j'aime pas ça. De toute façon, E.T., c'est pas mon genre de jeu, tu sais. Puis c'était ça ma critique. Fait que. C'était pas le genre de jeu à personne. C'était pas le genre de jeu à personne. Pauvre gars, tu sais. J'ai aucune idée c'est qui d'ailleurs, ce petit gars-là. C'était l'ami d'un ami. Puis, hey, ça a été une des meilleures affaires que j'ai faites de ma vie, je pense, là. C'est vraiment un échange qui a rapporté, là. Il doit te pitcher des yeux de haine quand il te voit à TV aujourd'hui encore. Je suis sur son blacklist. Non, parce que pour ceux qui n'ont jamais joué à E.T., le but du jeu, je me rappelle, c'était de trouver les morceaux pour monter l'appareil qui fait que tu peux appeler à la maison. Hein. Ouais, exact. Mais c'était. Puis tu tombes des fois tu tombes dans un trou que tu n'as jamais vu. Puis là, tu es dans le trou, puis tu peux pas remonter, mais tu peux pas. Tu sais, E.T. n'est pas considéré mort non plus. Non, fait qu'il fallait tu rebootes puis tu recommences. Ouais, c'est T'as soit rien tu à reboot faire. ou soit il y avait un truc genre où E.T. montait son cou un peu, puis là tu finissais par finir par t'envoler. Mais il n'y avait aucune logique, tu sais, c'était. il n'y a aucune logique nulle part dans ce jeu-là. Non, non, non. Quand tu reçois un jeu comme ça, les jeux d'Atari, il n'y avait rien d'expliqué. C'était, ben, joue, mon gars, parle, puis essaye. Ouais, c'est ça. Puis ça par le figurer toi-même, mais ça, j'ai jamais réussi, je comprends rien. Non, moi non plus, je l'avais acheté moi aussi, puis à un moment donné, je me suis tanné de ramasser des morceaux d'appareils qui faisaient même pas de sens par bout, puis là, fallait t'essayais de monter ta patente, puis là, ça marchait jamais, puis là, ça faisait pas ce que c'était supposé faire, en tout cas, c'était extrêmement mauvais. Bon, ben, ouais. deux sur deux pour... je vais faire, je pense, m'a tenir une liste des jeux qui sont dits, puis à la fin, à dernier épisode, je donnerai le pire jeu à vie de tout le monde, puis à la date, E.T. a 2 points. Ouais, c'est pas je suis sûr qu'il va gagner. C'est possible, mais peut-être qu'il y en a d'autres. On va peut-être être chanceux, peut-être qu'il y a personne d'autre qui a joué dans le monde qui vont me parler. C'est vrai. C'est à la fin de l'année, puis il perdra pas. Ou il gagnera pas l'honneur d'être le pire jeu à vie sur la planète. Après ça, je regardais juste les choses. Ça, c'est pas si pire. On a fait la console, on a fait le pire, le meilleur jeu. Vu que c'est toi, j'ai rajouté une question différente des autres, parce que oui. Je sais que t'es connaisseur, t'es amateur aussi. À date, ce que tu vois, toi, de la PS Vita, qu'est-ce que t'en penses? Moi, la PS Vita, je trouve que c'est très prometteur, parce que pour une fois, ce que Sony dit qu'ils vont offrir, ils l'offrent pour vrai. Okay. Puis j'ai eu des échos de Tristan aussi qui l'a essayé. Puis Tristan, là, c'est un gars qui est extrêmement critique. Il est très difficile à plaire pour certaines affaires. Puis les nouvelles consoles, c'est un gars qui est bien sceptique. Puis il a adoré la PS Vita. Okay. Fait que moi, déjà, ça, pour moi, déjà, c'est gros. Puis sinon, mes propres impressions par rapport à l'offre, par rapport à ce que j'ai vu, moi, je trouve que c'est la console portable que moi, personnellement, j'ai toujours attendu. T'sais. Il y a deux joysticks dessus, l'écran est très grand. C'est une console qui peut faire tout ce que la 3DS est capable de faire, à part la 3D, et même plus. Puis en plus de ça, Sony a un très bon service en ligne qu'ils vont garder gratuit une fois de plus. Puis en plus de ça, je veux dire, l'offre des jeux de départ est tellement intéressante. Il y a vraiment beaucoup de jeux qui sont des titres solides de Sony. Puis en plus de ça, c'est sûr que les third parties embarquent en masse. Fait que les jeux sont là. La technologie est là. Puis non, puis c'est une belle console. T'sais. Je trouve que c'est vraiment une belle console. Puis considérant que j'ai payé ma PSP environ 400$. Ah oh. Oui, je l'ai acheté jour 1. Ok. J'étais un early adopter pour pas mal tout ce qui existe. Puis j'ai aucun problème avec ça parce que jusqu'à maintenant, ça m'a pas failli. T'sais, j'ai pas eu de problème avec ça. Même que j'ai ma PS3 FAT, c'est encore la même que j'ai acheté en 2006. Okay. J'en ai deux, mais c'était pour en avoir une en haut, une en bas. Fait que c'est ça, fait que tu sais, parce que je vis sur deux étages. Puis c'est ça, puis la PS Vita, comme c'est là, le prix, moi je trouve que c'est un prix qui est totalement raisonnable considérant l'offre. C'est sûr que ça peut paraître un peu cher quand tu regardes l'offre de la 3DS, mais elle offre quelque chose de next-gen. Tu sais, c'est vraiment quand tu regardes le niveau de graphisme, si tu regardes tous les specs techniques, c'est une coche au-dessus. Ouais. C'est une coche au-dessus, là. C'est vraiment une coche au-dessus, tu sais. Fait que. Puis, tu sais, on pourrait dire que je suis vendu à Sony, mais m'a dit, mes idées sur leur console portable se sont très refroidies quand j'ai vu comment ils ont traité la PSP Go, tu sais. Avec raison. Ouais, avec raison, tu sais. Ma PSP Go, là, je l'ai payée, elle m'a coûté à peu près ça, 250. Puis, tu sais, j'étais content de l'avoir, le jour 1. J'étais super content à ce console-là. Puis, J'ai voulu qu'ils poussent cette console-là, puis ils l'ont jamais faite. Fait que ma dernière expérience portable avec Sony, c'est une mauvaise expérience. Fait que quand j'ai entendu qu'il y avait la PS Vita, j'étais hyper sceptique. Puis, tu sais, il y a encore un côté de moi qui est un peu sceptique sur les jeux, mais sur la console comme telle, je suis pas pantoute sceptique. Je suis certain que ça va être une méga bombe. Puis, D'après moi, là, maintenant, ça va être clair. Là. Il va vraiment y avoir deux marchés. Il va y avoir le marché de Nintendo puis le marché de Sony. Puis si tu veux t'acheter une portable, ça sera plus un no-brainer. Là. Avant, c'était un no-brainer. Il n'y a personne qui achète des PSP. C'est une DS. C'est ça, tout le monde achète une DS. Là, maintenant, le monde va vraiment se poser des questions parce que l'offre est très alléchante. Mais penses-tu qu'il y a encore un avenir? Penses-tu que c'est la dernière des consoles portables? Non. À cause des iPods, les iPads, tous les téléphones intelligents, que tu peux avoir des jeux à 99 sous, des fois gratuits. Oui, sauf que là, les jeux sur iOS, il y a un vent de changement, là, on dirait, parce que tu vois, là, il y a Soul Calibur qui vient de sortir pour le iPhone puis pour l'iPad. Il est 12$. Fait que tu sais, les jeux qui ont une certaine qualité, ils commencent à monter de prix. Ils le font très lentement, mais sûrement. T'sais. Ouais. Infinity Blade aussi, qui est 7$, je pense, 6,99$. Ouais. Fait que tu sais, ça commence à monter. C'est comme 5, 7, 9, 10, 12. Ça s'en vient aussi cher qu'un jeu sur XBLA, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je pense que les deux vont finir par se rejoindre comme ça parce que, tu sais, les jeux d'Android, les jeux d'iPhone, c'est un marché précis. Puis les consoles portables comme ça, d'après moi, c'est juste fait pour les gamers qui veulent avoir plus, qui veulent une expérience de plus, parce que c'est quelque chose que tu peux pas, je veux dire, le iPhone, moi je trippe à jouer là-dessus, mais tu sais, comme là, présentement, juste à côté de moi, là, j'ai mon iPhone, puis ma 3DS, c'est sûr et certain que si je veux jouer à un jeu, là, je vais ouvrir ma 3DS, là. T'sais, même si sur mon iPhone, j'ai même plus de jeux que sur ma 3DS, t'sais. Okay. Et le iPhone, pour moi, c'est comme une solution. T'sais, si t'es à quelque part puis tu t'emmerdes de jouer à un jeu, paf, tu vas sortir ton iPhone, t'sais, parce qu'il est dans ta poche. Je pense que la plus grosse force du iPhone, c'est son format. C'est ouais. Pas le fait que ça soit quelque chose que les jeux sont moins chers ou qu'on peut le retrouver n'importe où. C'est vraiment son format. Écoute, t'as ça dans tes poches puis t'as tout là-dessus, t'sais. C'est sûr que c'est imbattable, puis Nintendo puis Sony sortiront jamais un téléphone qui va arriver à la cheville de ça ou d'un téléphone Android, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je me dis, garde, aussi bien, laissez tomber, puis continue ce qu'ils font de mieux, ils font des jeux, puis le reste, ben garde, laissez ça au iPhone, puis laissez les créateurs indépendants faire des jeux là-dessus, puis that's it, là, mais... Je pense pas que ça va disparaître. Moi, je pense que je pense que Nintendo. Moi, d'après moi, ça, c'est une autre affaire. La 3DS, je pense que c'est la première version qu'on a présentement. À la fin de l'année, il va y avoir une nouvelle version. Je suis persuadé. À cause de tout ce qui est en train de changer. Ils sortent déjà un gadget avec un deuxième joystick. Là, ils vont sortir un stand pour jouer à Kid Icarus. La console démontre quand même que certaines lacunes, fait que j'ai l'impression qu'il va sortir un nouveau modèle. Mais je pense pas que c'est les dernières versions. Je pense que ça va continuer. Puis c'est un gadget tellement le fun à avoir. Là. Moi, ce que j'espère à l'avenir pour les consoles portables, c'est que tu vas pouvoir enfin à un moment donné avoir la même game du même jeu sur tes deux consoles. Ouais. Et genre pouvoir commencer une game de Gears of War chez vous. Puis après ça, paf, tu sors ton petit gadget de Microsoft, je sais pas quoi, ils sortent une tablette, la rumeur, c'est une tablette, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, je me dis, regarde, tu sors Box Mobile, tu sais, une patente, là, que, tu sais, ça ressemble à une PSP, mais c'est Xbox qui a fait. Mm-hmm. C'est fait comme une manette, puis tu traînes ça partout avec un écran, tu sais. Ça serait écœurant si tu pouvais trouver une façon de connecter ton jeu puis d'y jouer sur les deux consoles. Il y a Sony qui l'offre déjà avec la Vita. Ils vont le faire avec Wipeout. Ouais. Ils vont le faire avec MotorStorm. Ça, c'est cool. En tabarnouche, tu sais, que tu puisses jouer au même jeu. Puis tu peux, en plus de ça, compétitionner avec du monde qui joue sur la version console en ligne, tu sais. Fait que moi, je pense qu'il est là l'avenir du jeu, là, pouvoir jouer au même jeu sur les deux consoles, puis c'est juste une solution de départ. Puis c'est un peu ce que Nintendo offre aussi avec la Wii U, avec leur fameuse manette, tu sais. Puis d'après moi, il est là l'avenir du portable, c'est de pouvoir avoir la même expérience que tu as chez vous. Ouais, on va voir ce que l'avenir va réserver pour ça. Mais en passant, c'est ça, j'avais une autre question pour toi, puis j'avais oublié c'était quoi. En plus de faire tout ce que tu fais là, tu as aussi ton petit studio qui s'appelle 32M. Oui. Je n'ai pas parlé de ça, j'ai oublié de le mettre dans mes notes. Pourtant, je le savais tellement. Ouais. T'as un petit studio que t'as avec, je pense, un autre de tes chums. Ouais, Mathieu Burton, qui est un développeur. Puis c'est ça, on a fait jusqu'à maintenant, on a fait iStars Hockey, qui est un jeu de hockey, qu'on a fait ça au début, vraiment au début du store. Puis il y avait pas un chat qui avait fait des jeux de hockey. Fait qu'on était les premiers à le faire, ce qui a fait qu'on a eu quand même assez de succès avec ça. Puis on a sorti Dirty Gary. On a sorti ça, dans le fond, on a sorti ça De l'an cette année. passé parce qu'on est en 2012. Fait qu'on a sorti ça en 2011. Puis c'est ça, le jeu a eu un bon succès au Québec. On continue d'avoir du support au Québec. Aux États-Unis, c'est moins facile. Puis c'est ça qui est plus tough parce que faire des jeux sur iOS, c'est très long. Tu te remets constamment en question, tu sais, parce que c'est. Il y a tellement de choses qui se font sur ce marché-là. Il y a tellement de jeux qui sortent à tous les jours. Ouais, l'offre est incroyable, là. Ah, l'offre est incroyable. Fait que, tu sais, ça, c'est très difficile de faire des jeux iOS. Je te dirais, il y a 4 ans, c'était vraiment pas difficile, là. Je veux dire, tu sortais une idée, puis tu étais pas mal sûr d'avoir l'idée. Mais maintenant, là, il y en a plein, puis il y a des petits studios indépendants qui font ça à journée longue. Nous autres, on fait ça vraiment à temps partiel. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a moins de temps pour développer, mais on a du fun à le faire. Puis Dirty Gary, c'est ça. On a bien de la misère à percer le marché américain avec le jeu parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent. Puis c'est vraiment difficile là, de trouver une niche pour Dirty Gary aux États-Unis. Mais au Québec, au Canada, ça fonctionne super bien. Ouais, puis il est le fun à part là, tu sais, je l'avais critiqué sur le podcast, puis il y a bien du monde qui en Oui. parle. C'est des mini-jeux, je veux dire, tu peux jouer ça, tu sais, ça prend 5 minutes, tu joues une C'est ça. game, t'arrêtes, tu recommences. C'est vraiment un jeu fait pour des petites games, là. C'est fait pour attendre le boss. C'est fait pour attendre quelque chose la plupart du temps. Puis on a eu bien du fun à faire ça. Puis ça a été un jeu. Ça a quand même pris 1 an à faire ça, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que on espère en vendre de plus en plus malgré l'offre gigantesque qu'il y a sur le store. Ouais, c'est un peu ça le problème. Mais en tout cas, ceux qui écoutent, si vous l'avez pas encore essayé, encouragez Bruno, Ouais. puis allez chercher ça. Dirty Gary, vous allez voir, c'est cute, c'est super cartoonish, mais Exact. c'est tellement le fun à jouer, là, puis légèrement addictif si t'embarques un peu dans des petits mini-jeux, là, c'est vraiment le fun. Ça embarque dans la folie du jeu parce que disons qu'un gars qui. Une petite bébite qui coupe tes ongles d'orteil avec une chainsaw, tu vois pas ça tous les jours. Non, c'est pas le quotidien. Mais C'est rare. c'est déjanté, c'est cartoonish, puis c'est bien le fun. Cool. Fait que Bruno, là-dessus, je vais te laisser aller. Je te Ah ouais. remercie beaucoup d'avoir accepté de participer. Ben de rien, ça fait plaisir. Puis de m'avoir donné à date 2h25 de ta vie. Qui est super le fun. Si les gens veulent te rejoindre, comment est-ce qu'ils font s'ils ont des questions à te poser ou des choses comme ça? Comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Premièrement, vraiment à Twitter, vous pouvez me retrouver là n'importe quand. C'est @ Bruno Georget, donc très facile à retrouver. Sinon, vous pouvez me retrouver. J'ai une page officielle qui a plus rapport à Monsieur Net sur Facebook. Fait que vous pouvez chercher Bruno Georget sur Facebook. Vous allez me trouver. C'est sûr que c'est ça. Il y a des gens des fois qui se mélangent. Ils vont chercher mon Bruno Georget personnel de Facebook. Celui-là, je l'offre pas au public parce que c'est ma vie privée. C'est pour ça que je me suis créé une page. Fait que l'autre, c'est une page. Je pense que ça va être écrit Bruno Georget, personnalité publique, quelque chose du genre. Puis c'est ça. Sinon, vous pouvez aller sur rétronouveau.ca. Vous pouvez écouter le podcast Rétro Nouveau qui est disponible sur iTunes. Sinon, pour la version MP3, vous avez seulement à aller sur notre site à rétronouveau.ca. Vous pouvez aussi me retrouver sur boulevardbrutal.com où je parle de métal de façon déjantée. Puis évidemment, ben, Monsieur Net du lundi au jeudi à 19h30 à Musique Plus. Moi, je suis pas mal tout le temps là, le mercredi ou le jeudi. Puis sinon, ben, vous pouvez regarder mon travail littéralement parce que mon travail est très évident. Vous pouvez le regarder sur Musique Plus et Musimax n'importe quand, à toute heure du jour ou de la nuit. Juste voir les animations, puis les transitions, puis les annonces d'émissions, puis c'est C'est pas ça. mal toi qui as travaillé là-dessus. Ouais, exact. Puis voir pas mal toutes les ouvertures, c'est moi qui travaille là-dessus de près ou de loin. Vous pouvez même me voir dans l'ouverture du décompte Musique Plus, où j'aide à monter le décor. Ah, Mathieu, c'est parfait. Hein, tu veux? Fait que là-dessus, Bruno, merci beaucoup. Ben, de rien, merci à toi, c'est très sympathique comme invitation, puis bonne longue vie à ton podcast. Mais toi aussi, en passant pour Rétro Nouveau, ça recommence quand? Ça recommence le 23 janvier, fait que OK, fait que ça. probablement qu'au moment de la diffusion de ton podcast, il va être Ouais, vous allez avoir à recommencer. Fait que scratchez ça là. si vous avez jamais été l'écouter, allez le télécharger. Ouais, on est Sinon, rendu. ben, je suis en retard. On est rendu à 18 épisodes, puis en passant, les épisodes de Rétro Nouveau, vous pouvez écouter ça n'importe quand. C'est fait pour être écouté n'importe quand, dans le sens qu'on ne parle pas de la nouvelle récente, là, maintenant. On parle de jeu. Fait que ça peut être écouté à n'importe quand. Vous pouvez partir de l'épisode 1, puis vous allez apprendre des affaires. Ouais, c'est un très bon podcast si vous voulez apprendre sur les jeux nouveaux et aussi beaucoup sur le rétro. Yes. Moi, c'est ce que j'aime, j'apprends à connaître des jeux que j'avais jamais entendu parler avant. Bon, mais c'est merveilleux. Fait que merci Bruno. Merci. Bye, bonne journée. Salut, bonne journée.